Bonjour et bienvenue à présent à une première entrevue que je fais avec Mona, que vous voyez à l'écran pour le mois de janvier de l'année 2022. Alors ici, David au micro que vous entendez en audio et Mona que vous voyez. Et Oui. écoute, Mona, ça me fait plaisir de te reparler en ce début d'année, donc ça va bien? Merveilleusement bien. Merci. Excellent. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui ont découvert récemment ma chaîne sur YouTube, ça peut être intéressant de te présenter, étant donné que toi, tu es professeur de yoga et également de pilates thérapeutique. Donc, par rapport à toi, tu fais toujours de l'enseignement par rapport à ces techniques? Oui, j'ai pas arrêté. J'ai continué toutes ces années-là, même les 2 dernières années, yoga et pilates. Mais c'est plutôt mon style que j'enseigne. Il faut quand même prendre conscience que j'ai intégré plus de choses. Je trouve que je fais un yoga plus moderne. Pilates, technique qu'on connaît. Je m'excuse pour le son, les amis. Je vais couper le son. Désolée. Je fais Parfait. aussi du coaching en psychologie. Je fais de l'accompagnement en psychologie évolutionnaire. Excellent. Et pour les gens qui sont intéressés à entrer en contact avec elle, eh bien, je vais laisser les coordonnées de son site web là, en bas de l'enregistrement. Et tu m'avais mentionné là, avant le temps des fêtes que tu songeais à faire des vidéos qui seraient disponibles pour le public. Bon, on va attendre un peu. Il faut que j'aille la vibration. Oui, c'est ça. Mais le site est en construction. Je vais mettre toutes mes routines en location. Mais j'ai une soixantaine de routines minimum à bâtir. Ils sont déjà bâtis, mais il faut que je les enregistre. C'est très long. Puis il faut que j'aille l'énergie. Ces jours, je dirais que depuis à peu près un mois, mon énergie n'est pas là-dedans du tout. Alors, c'est une question de temps, mais ça s'en vient. C'est en processus. Je sais que je mets ça en ligne en 2022. Ça va être mon champ du signe, comme on dit. Ne nous affolons pas. Non, non, c'est pas une mort, c'est une mort psychologique et non une mort physique, là. Je sais que ça termine un long cycle d'une vingtaine d'années. Ça fait quand même près de 30 ans que je suis dans le milieu du yoga pilates et de la danse et du mouvement, de l'étude du mouvement. Mais je passe à autre chose, puis c'est pour ça que je mets mes routines en location. Bien, je sais qu'ils font énormément de bien aux gens. J'en ai le feedback depuis au moins 15 ans. Alors, je vais faire ça, puis ça va devenir un petit peu une source de revenus pour moi. Je vais voir si ça lève un peu ailleurs dans le monde francophone. Là. Je parle du monde francophone sur la planète. Mais je passe à autre chose, je ne sais pourquoi. On verra ce qu'ils veulent de moi. Non, okay, exactement. Donc, quoi qu'il en soit, je vais mettre tes coordonnées là, par rapport à ton site web là, en bas de l'enregistrement avec ton adresse courriel. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de te rejoindre ou faire des cours avec toi à distance, étant donné que tu en donnes là, sur Zoom présentement. Oui, en simultané, en Zoom et en présence, comme je suis pro-choix depuis 2 ans, j'ai toujours été pro-choix, je laisse les gens choisir ce qu'ils veulent. Excellent. Donc, avant de débuter l'enregistrement d'aujourd'hui, je veux mentionner aux gens qui apprécient écouter mes capsules audio et vidéo que vous pouvez en trouver au-dessus de 500 sur YouTube. J'en ai fait vraiment beaucoup au fil des ans. Et s'il y en a qui apprécient ça en particulier, notamment les entrevues que je fais avec des invités, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en support à mes activités de diffusion web via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, dont vous allez avoir les coordonnées là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Pour ce qui est de cette rencontre en début de janvier 2022, eh bien, j'ai l'intention, en compagnie de Mona, de commenter, entre autres, l'actualité en lien avec la crise et qui perdure depuis plusieurs mois, presque 2 ans. Donc, il y a eu beaucoup de rebondissements dans les derniers jours. Là, il y a présentement un convoi avec une grande quantité de camionneurs à Ottawa. Mais avant de commencer à proprement dit la crise avec Mona, étant donné qu'il y a une grande censure qui s'exerce sur le web présentement, eh bien, je mentionne aux gens que vous allez pouvoir retrouver la totalité de cet entretien pour le mois de janvier 2022 en toute liberté, donc sur ma chaîne Odyssey. Donc, vous allez pouvoir retrouver le lien web là, en bas de l'enregistrement. Audacy, qui est une plateforme qui favorise la liberté d'expression. Et comme je n'ai pas envie de faire de montage ou de censurer mon invité lorsqu'elle parle aujourd'hui... Surtout que c'est dur à censurer, hein? Ben oui. Donc, c'est sûr que j'apprécie beaucoup l'humour et la franchise de mon nom. Donc, pour les gens que ça nous, vous êtes intéressés à nous entendre parler librement par rapport à ce qui se passe, entre autres, présentement, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui figure en bas de l'enregistrement présent maintenant pour nous entendre. Donc, on commence pour le vrai, là. OK, boss, on y va. Ben, quoique la présentation servait là, à mettre les choses en contexte, là. Donc, par rapport à la crise, parce que là, on a eu toutes sortes d'annonces de l'impôt pour les non-vaccinés. On fait un chantage. Ensuite, les superficies de 1500 mètres carrés, il faut que les gens soient vaccinés pour y avoir accès, comme chez Costco, Canadian Tire, donc les grandes chaînes. Ensuite, on a appris aussi que la SAC, pour les gens qui consomment de l'alcool, ils doivent être injectés pour avoir accès au point d'achat. Même chose pour la marijuana, donc la SQDC. Donc, par rapport à toutes ces mesures qui sont mises en place pour, comme dirait Emmanuel Macron, emmerder les non-vaccinés, parce que Christian Dubé cherche à aller dans le même sens. Donc... Monsieur, tête de clignote. Ah, merci Berthold, tu m'as tellement fait rire. Tête de clignote, Monsieur Dubé. Allez voir la vidéo, ça vaut la peine, les amis. Oui, mais c'est sur la chaîne de Berthold que j'ai interviewé, dans le fond, plusieurs reprises. Et on voit Christian Dubé qui clignote des yeux lorsqu'il fait des annonces. Je l'ai compté, les amis, en passant sur 33 secondes, 53 battements à peu près de clignement d'œil. En 34 secondes, j'ai tellement ri. Mais merci, ça m'a bien fait rire. Je l'appelle Monsieur Clignote depuis ce temps-là. Mais c'est pas une lumière, à mon avis. Non, c'est juste un clignotant. Mais... Après, juste une petite fusée pour allumer ça. En lien avec l'observation de son non-verbal, le fait qu'il cligne régulièrement des yeux, comment est-ce que tu interprètes ça? Moi, c'est peut-être pas ses yeux, c'est Berthold qui m'a amené à ça. Les yeux, pour moi, j'ai vu du monde me mentir en pleine face en me regardant dans les yeux sans cligner d'un œil. Ça peut vouloir dire quelque chose. Mais pour moi, c'était la position de son corps, la tête inclinée, un regard à terre. C'est plus ça que je voyais qu'il y avait quelque chose qui l'habitait comme, tu sais, me présente, là. Oui, c'est ça que je poignais comme vibration. Je n'aimais pas ce que je voyais, ni de M. Legault d'ailleurs, ni d'Arruda. C'est plus général que le clignement. Je n'avais pas remarqué tant les yeux. Moi non plus, je n'avais pas remarqué le clignement des yeux en tant que tel. C'était plus l'annonce qu'il faisait où, si je ne me trompe pas, il était question de protéger les non-vaccinés contre eux-mêmes, là. Ben oui, ça, le discours, ils l'ont-tu, nous protéger des autres? Puis ils savent-tu comment le faire pour nous, toi? C'est-tu assez gentil de penser à nous de même? Hein? Quand même! Ils veulent prendre soin de nous. Puis les gens autour aussi. Là, moi, j'entends ça ici au Québec, à Montréal, des fois, quand je parle avec les gens. Ils croient vraiment qu'ils nous protègent. Moi, je pars à rire. Je suis plus capable de rire, les amis, en passant. Là, tout ce qui relève de ça, je suis morte de rire. Là. Je suis détachée. J'ai réglé mes affaires. On a tout quelque chose à régler. On pourra en parler si vous voulez. Mais moi, c'est réglé, ce que j'avais à régler dans cette crise-là. Et là, je trouve ça très drôle, puis je comprends très bien ce qui se passe. Puis ça ne veut pas dire que je ne suis pas impliquée, ça veut dire que je fais des gestes. Je m'assume en passant, j'enseigne depuis 2 ans sans aucune consigne. Je n'ai pas peur de ce que j'ai à dire. Si quelqu'un m'arrête, on verra bien, en temps et lieu. C'est ça, parce que techniquement, tu es supposé demander le code QR à l'entrée de ton l'ont commerce. Ils demandé, mais à chaque fois, je suis tellement gentille qu'ils me laissent passer. Comment? Moi, il me laisse passer. Non, mais je veux dire, toi, quand que les gens se présentent pour faire un cours de yoga. Ah oui. Donc, normalement, les gens, tu serais supposé leur demander le code QR, sinon, il n'y avait pas le droit de rentrer. Non, moi, j'ai écrit, puis encore cette année, là, quand j'ai relancé ma session de 2022, je l'ai écrit très clairement en bas. Je suis dans la désobéissance civile, moi. Clairement. Et je m'assume. Fait que si vous n'êtes pas capable d'assumer, restez chez vous, c'est ça. Il y en a qui zooment. Mais moi, j'ai pas de problème. C'est ça que je dis. J'ai pris position personnellement. Puis c'est une question de temps, mon cher David. Dans le temps, moi, je considère que je vais poursuivre le gouvernement, des deux plans de gouvernement, pour vraiment beaucoup de choses. Ils atteignent nos droits et libertés, les gens s'en rendent pas compte à quel point c'est grave ce qui se passe. C'est très grave. Ben oui. C'est pas vrai que depuis quand qu'on veut protéger les autres de quelque chose, nous autres, les humains? Désolé, là, on n'a pas cette si grande générosité d'âme, hein? On n'est pas rendu là encore comme race, là. Fait que, Non, c'est ça, mais si non, on le il y a... prend avec le triangle de Cartman, c'est-à-dire tu as le bourreau, tu as le sauveur puis la victime, le bourreau peut chercher à vouloir se faire passer pour le sauveur en disant qu'il veut sauver les autres. C'est ça. Oh oui, Bertolt l'explique tellement bien que je ne veux pas ajouter quoi que ce soit à ça, parce que moi, je n'ai pas cette vision scientifique que des fois Bertolt amène, que j'aime bien, ou économique, mais je comprends très bien la dynamique, on comprend les polarités, là. On pourrait se demander pourquoi, tu sais, il y a quand même qu'au Québec, il y a quelque chose que les Québécois ne réalisent pas, c'est qu'on est particulièrement visé dans le monde. Oui. On est visé, là. On est réellement visé, allumons, là, tout le monde. On est visé particulièrement ici parce qu'ils savent très bien étudier que les psychologies de masse, ces gens-là, ils se connaissent bien les choses, puis ils savent qu'on est un peuple docile. Mon IQ, si on se réveille pas, cuit comme un œuf. Ben, cuit que j'allais dire comme une grenouille qui, dans une marmotte qui se réchauve petit peu par petit peu, ben, elle peut finir ébouillantée puis brûlée. Ouais, mais là, ils ont dû réchauffer l'eau, puis c'est l'air. Ben, d'ailleurs, je suis très heureuse J'ai tellement ri. L'erreur de M. Legault en décembre de fermer le 31, ça a été sa première grande erreur à Legault ici au Québec. Ça a éveillé énormément de soupçons. Mais l'autre erreur, c'est notre ami Trudeau. Pardon, Trudeau. Je l'appelle Trudeau, je pourrais pas l'appeler Trudeau. Lui, il en a fait une belle. Puis là, il n'est pas aimé ni de son peuple, ni de qui le paye, parce qu'il a ouvert une porte mondiale, la sortie de la pandémie. Oui, bien, pour les gens qui nous écoutent, entre autres en Europe, puissent comprendre l'erreur qu'il a faite. Puis c'est un petit peu la même Oui. lecture que partageait Jonas Collin récemment dans une de ses émissions. C'est que lui, il a décidé de forcer les camionneurs qu'ils soient adéquatement injectés pour rentrer au Canada, sinon de devoir faire un test COVID ou une quarantaine de 10 jours, là, être en isolement pendant 10 jours. Depuis le 15 janvier, les camionneurs ont refusé, là, ils manifestent à Ottawa, puis sont en grande quantité. Puis je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde. Fait que là, les journalistes sont comme pris à en parler, puis ils en parlent un peu partout aussi à l'international. Donc, il a attiré Ici, le David, spot sur... non, non, David, ici, il Oui. n'en parle pas. Je suis désolée, ils font tout pour couper toute forme Ben, écoute, d'information. j'ai écouté au moment où on se parle hier, c'est-à-dire samedi le 29 janvier 2022, le bulletin de nouvelles de TVA de 18 h, et on en a parlé pendant au moins les 15 premières minutes. Est-ce qu'il parlait de quoi? Il parlait comme d'habitude, de faire peur au monde, que Ben, c'est des trumpistes, des débiles mentales, oui, de la ils ont discrédité les gens. Ils ont French distribué. Attends une minute, attends Society. une minute. Trudeau. Non, non, mais t'as peu. C'est comment il en parle? Moi, j'écoute plus ça, David. Je suis désolée, les amis. Moi, TVA, jamais je vais m'attendre à ce qu'ils disent la vérité. Là, c'est fini, là. Non, mais ça, je sais qu'ils diront pas la vérité, puis je sais qu'ils en parlaient pour discréditer. Sauf que le point, c'est qu'à la différence de d'autres manifestations, où il y a peut-être eu 50 000 personnes qui ont manifesté l'été passé, mais ils n'en parlaient pas du tout. Zéro puis une barre. Tandis que là, ils en parlent, il y a des journalistes sur le terrain qui couvrent les gens. C'est sûr que oui, ils vont les traiter d'extrême droite, de trumpistes, Ben oui, etc. c'est dans le seul but qu'ils vont faire ça. Ils vont montrer que la partie plate. S'ils pognent quelqu'un qui chicane, ils vont le filmer, c'est sûr. Mais ils sont 1,5 million présentement sur la montagne parlementaire. Un million et C'est ça, demi. mais le C'est point que pas je veux senti faire, c'est qu'ils que ils peuvent pas en parler, c'est trop gros. c'est C'est trop ça le gros. point. Oui, je suis d'accord, mais David, mais ils ne disent toujours pas la vérité sur le sujet. Alors, ne pas penser, parce que moi, je trouvais que ça sous-entendait quand on le dit, comme on le parle, que, oh là, tout d'un coup, ils vont être capables de dire la vérité. C'est pas vrai. Ah, Ils vont non. jusqu'au bout pour mentir aux gens. Jusqu'au bout. Ben oui, parce que s'ils C'est vont ça. pas jusqu'au bout pour mentir les gens. Puis le narratif tombe, ben ça représente à peu près 13 millions de revenus qu'ils vont perdre à chaque mois tous les médias québécois, parce que le gouvernement, c'est ça qui paye en termes de publicité en lien avec la crise. C'est rendu 13 millions parce qu'à un moment donné, j'ai entendu 6 millions. Bon, en tout cas, moi j'ai entendu 13 millions. C'est sûr qu'on pourrait vérifier les chiffres en tant que tels, mais c'est-à-dire qu'avant la crise de la COVID, les choses allaient très mal dans le domaine médiatique au Québec. et des médias, des journaux étaient subventionnés par le gouvernement. Puis là, c'est sûr que le jour où ce que le narratif tombe, ben, il y a plein de journalistes qui vont être mis à la porte s'ils n'ont plus autant de subventions gouvernementales. On est rendu là, là. Ben, Le c'est ça. narratif tombe. Parce qu'il n'y a pas rien que les journalistes, moi, ce que je veux dire, c'est que le narratif ne tient plus la route. Premièrement, quand tu vois que les images qu'on va voir venir, que les gens vont voir, bien, il y en a déjà disponibles, quand tu dis qu'il y a presque 1 million sur la colline parlementaire de gens, tu ne peux plus avoir le discours de dire que les mesures sanitaires passent bien au Québec et au Canada, là. Parce qu'un journal, les grands titres, c'était quoi? Ah, oh, mais les Canadiens, les Québécois aussi au Québec, on est ostracisés. Fait que les Québécois sont d'accord avec les mesures sanitaires, majoritairement. Mais il y a 50% de Québécois là-bas, là, présentement. C'est plus que la moitié de la gang qui. Il y a beaucoup de Québécois sur place. J'en ai vu, puis j'en ai entendu, puis j'ai des gens qui m'en parlent aussi, qui m'appellent. J'ai beaucoup de gens qui sont là-bas. Moi, je suis pas allée, ça m'intéresse pas d'être là, je peux pas tenir ça, je suis trop sensible, mais imaginez vous faire klaxonner dans les oreilles pendant 3 heures, 10 heures, 12 heures. Oh God, je serais pas capable. Non, c'est ça. Puis là, ce qui va être intéressant de voir, c'est demain, lundi, à savoir est-ce qu'il va y avoir une reprise des travaux parlementaires au Parlement du Canada, parce que là, présentement, c'est tout occupé, là. Non, mais David, M. Trudeau et sa famille ont été déportés dans une maison secrète. Il n'est plus là. Il n'est Ah, plus là. ben. Il a eu peur. Mais il n'y a pas rien qui peut. Je Ils vous le dis. vont peut-être l'exfiltrer puis l'envoyer aux Bahamas, vivre dans un paradis fiscal pour un bout de temps. Non, non, je fais des blagues, là. Oui, ça pourrait arriver. Ça serait. Ben, je ne dis pas que c'est exactement ce qui va arriver, mais la direction que tu donnes, ça se pourrait qu'il y ait une porte de sortie d'affaires, effectivement. Mais là, sa porte de Trudeau, sortie à il a vraiment court. fait une bourde, mais phénoménale, autant pour le 1% du monde là, qui mène le monde, là, celui-là qui essaie de nous faire. Et étranglé. Mais je veux dire, M. Trudeau, il s'est planté aussi au Canada. Il a mis le feu aux poudres. Les camionneurs ne reculeront pas, les amis. Vous êtes mieux d'avoir des réserves. C'est terminé. Ouais, La ben plante moi, est mise, terminée. Ça, c'est clair qu'il n'y en aura pas de passe sanitaire ni de passe vaccinale. C'est planté là, c'est terminé. j'irai pas jusque-là, Mona, parce À que, moi, la prévision, parce que ça, ouais, on reste dans la c'est divination. correct. Moi, ce que je vibre, c'est que c'est terminé puis ces gars-là ne bougeront pas. Puis j'ai vécu dans l'Ouest canadien. Et je les connais, ces camionneurs-là. Je sais vibratoirement ce qu'ils sont. Ça loge pas le morceau, je suis désolée. C'est pire que Trump, ça. Ben, C'est justement. un lobbying pétrolier en arrière-plan. Il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours une game en arrière. Ben, c'est sûr. Ouais, mais pour l'instant, ils sont financés par bien du monde, mais aussi ils sont soutenus par le pétrole. L'Alberta. Rappelez-vous, c'est quoi l'Alberta, les amis? Les pipelines. Exactement. Puis, dans le fond, par rapport à ce qui se passe là avec la crise, ben, je voulais t'amener, c'est sûr, à commenter le convoi de la liberté qui se présente à Ottawa. Donc, ils sont nommés comme ça. C'est de voir si ça va déboucher concrètement sur la liberté, dans le sens que présentement, ce que j'observe des médias, un peu comme on faisait allusion quelques instants, c'est que des grandes chaînes, que ce soit TVA et d'autres stations de radio, vont essayer de diaboliser les manifestants pour essayer de gagner la guerre de l'opinion publique en disant que ces gens-là, c'est des gens qui vont faire le trouble au Parlement, que, tu sais, je serais pas surpris que leur rang serait infiltré par des agents pour saccager là, des commerces là, dans le coin d'Ottawa, là. Aux États-Unis, ici, premièrement. Non, c'est pas ça que je vis, moi, du tout. On verra, je sais pas, OK. mais je ne peux pas te dire, David. Je veux t'appeler Mathieu aujourd'hui. Je sais pas, David. Moi, ce que j'ai vibré quand j'ai vu les camionneurs Oui. arriver, j'ai compris pourquoi ils interviennent. Quand moi, je disais ça à Julie. Bonjour, Julie. Salut, elle va se reconnaître. J'écrivais ça avec Julie. Je dis, il va arriver quelque chose. Il y a quelque chose que je sentais qui venait. Puis je savais pas que c'était un camionneur, mais c'est les camionneurs ce qui amène, c'est la protection que les citoyens avaient besoin pour sortir. Autrement dit, ce phénomène des camionneurs enlève la peur des gens pour s'exprimer. Parce qu'en passant, j'avais jamais entendu autant de monde être contre les mesures sanitaires, même ici à Montréal aujourd'hui. Je suis sortie ce matin, midi, pour aller dans le nord des Laurentides, vers midi. Je vois du monde masqué dans les rues, dans ma rue, là, ce matin. Pas un astine masque. Ah, c'est intéressant. À Ottawa, présentement, ils montrent des images où les gens, dans les commerces, tous les commerces sont ouverts à Ottawa. Ils n'ont plus un masque qui se porte nulle part, ni dans les mails, là, comment ça s'appelle, les grands centres d'achat, pas Oui. le français. Les grands centres d'achat où on n'est pas supposé rentrer, nous, les non-vaccinés, puis pas masqués, puis je sais pas quoi. C'est envahi de tout le monde. Puis personne ne demande le masque, puis le code QR. Ça vient de sauter, c'est ça, je dis, c'est over. It's over pour cette partie-là. La guerre n'est pas gagnée. Mais Il y non, a juste c'est une bataille, mais pas la guerre, parce que là, il peut y avoir une contre-offensive du gouvernement suite à ça. On va dire, ah, il y a une augmentation du nombre de cas, puis il y a plus de monde hospitalisé à cause de tout ça. On va peut-être sortir cette cassette-là. Oui, mais même les hospitalisations, tu l'as vu, là, ils ont commencé, ils perdent contenance. Les chiffres tiennent pas la route, Mais les amis. non. Faut être dommé en statistique pour pas. Moi, je suis pas bonne, là. Je vous le dis, je suis une dommée finie, là, dans les statistiques. Je me souviens même plus comment j'ai passé ce cours-là au cégep. Je pense que j'étais accompagnée de mon esprit parce que ça n'a aucun sens. Je comprenais rien. Puis j'arrive à comprendre qu'il nous faut. Je pense qu'il y a bien du monde qui le voit, là. Mais ça devient visible. Puis pas rien. C'est pas ce qu'ils nous disent qui devient visible. Je te donne un exemple. Pendant les 18 mois du gros COVID où tout le monde capotait, moi, j'ai continué à enseigner puis à travailler avec mon monde sur Zoom ou en studio. Puis, je vous le dis, là, sur 40 personnes, les mêmes 40 personnes, les deux, si je compare, j'ai entendu deux personnes me dire qu'elles connaissaient quelqu'un mort du COVID et ces personnes-là étaient toutes les deux des gens âgés avec comorbidité assurée. Ça, c'est dans le COVID. Il y a du monde qui a eu la grippe. Moi, je l'ai eu aussi, le COVID. Je vous l'ai déjà dit. J'ai eu dernièrement quelque chose, mais écoutez, on est en hiver au Québec, quoi. Bref, cette session-ci, j'ai les mêmes 40 personnes et là, j'ai plein de gens injectés doublement. Ils sont pas bien. J'en ai une qui a une diarrhée sans fin depuis 4 mois. Son médecin ne sait plus quoi faire avec. Elle est en train de se vider. Je dis ça, j'en souffre, c'est une copine. Alors, excusez, ça me touche beaucoup. C'est ça, c'est en train de se vider, c'est le cas de le dire, puis ils ne savent pas quoi faire pour arrêter cette diarrhée qui n'arrête pas. Une autre personne qui a été deuxième injection de crise de cœur à 54 ans. Ils n'ont jamais voulu reconnaître que ça avait un lien, mais il n'y a personne qui a de crise de cœur dans sa famille, il n'a jamais été inquiété de cela. Ils ont injecté une fille qui avait eu une chirurgie cardiaque il y a 3-4 ans. Qui est plus capable de quasiment fonctionner présentement après deux pic-pic. Voulez-vous que je continue? J'en ai d'autres. Alors, moi, ce que je constate, juste par l'observation simple, vaut mieux pas aller là. Parce que, hey! Ben oui, mais dans le fond, en lien avec ça, on est. Un malade avec ça que le monde que je connais qui en ont mort, tu sais. Ben, c'est ça. Puis le discours narratif, à la base, on nous disait, ah, ben, faites-vous injecter, c'est pour vous protéger puis protéger les autres. Or, on l'a vu dans le temps des fêtes, il y a au-dessus de 90% de la population québécoise qui est doublement injectée. Et puis, dans le fond, il y a eu la contamination, puis il est obligé de remettre le couvre-feu, François Legault, supposément à cause de cette dernière. Donc, la stratégie de dire faites-vous injecter pour arrêter la propagation, ça marche pas. Bon, je vais vous faire un petit cours de biologie 101 sans aucune arrogance. Ça fait 75 ans que les scientifiques indépendants, pas les ceux qui sont achetés par Deep State, là, qui savent qu'il ne faut pas injecter pendant une épidémie. Parce que quand tu fais ça, t'amplifies le phénomène et c'est là que les mutants se développent. On a-tu des mutants sur cette planète? On est rendu aux mutants 32, 22, 24, là? Hey! Parce que les gens sont injectés massivement, ça développe des mutants et des Ben oui. mutants. Ça, c'est un des problèmes. Mais ce qui nous injecte, là, c'est rendu un traitement, les amis. Un vaccin, là, c'est one shot deal. Un vaccin, si c'était ça, encore que là, on devrait faire une émission là-dessus, mais je ne veux pas rentrer, là. Mais Un tu peux vaccin, rentrer ici c'est dans le détail parce qu'on est sur d'ici présentement, puis on peut parler librement, là. non, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est parce que c'est un sujet qui pourrait être long à OK. explorer. Parce que je dis ça, mais une injection, c'est un traitement. Un vaccin, c'est une injection. Là, Oui. on est rendu 3 puis 4 doses. Ça s'appelle un traitement. Et si vous regardez dans le dictionnaire le mot traitement médical, parce que c'est un traitement médical qu'on se tape, là, Ouais. en passant, c'est une urgence sanitaire. Alors, supposé. Alors, traitement médical, écoutez bien la définition. Ça se donne, un traitement, c'est pour quelqu'un qui souffre d'une maladie. Genre, tu as le cancer, tu as besoin d'un traitement. Genre, j'ai des migraines, j'ai besoin d'un traitement. Est-ce que nous sommes malades? Pourquoi qu'ils nous injectent un traitement quand on n'est pas malade? Ah, mais c'est à titre préventif. Ben non, mais c'est ça marche pas. Puisque les gens vaccinés sont tous malades. Ils savent, les gens vaccinés présentement, qu'ils sont malades. Ils l'ont tous été. Ils l'ont à peu près, comme dit, moi, j'ai pogné ma troisième dose, puis c'est comme si le virus m'attendait dehors. J'ai été malade le lendemain, tu sais. Je sais pas. Ça vous prend quoi pour comprendre qu'ils vous injectent la maladie et même autre chose? Je ne sais plus quoi dire aux gens, mais je pense que les gens qui nous écoutent ont compris. C'est ça l'affaire aussi, là. Non, tu ne penses pas? Ben, moi, à mon avis, oui, il y a tellement d'éléments, là. Tu sais, j'ai écouté Éric Duhaime il y a quelques jours qui avait, dans le fond, dans le cadre de. Parce qu'il fait des émissions le mardi soir, et il avait interviewé. C'est un microbiologiste qui s'appelle Bernard. Puis lui, il expliquait, dans le fond, que la troisième dose, non seulement c'est pas efficace, si c'est l'effet serait neutre, serait tel que tel, mais c'est un effet négatif. Ça diminue le système immunitaire. Ben, ça crée une inflammation majeure du système immunitaire parce que plus tu injectes des. Tu sais, quand tu injectes, c'est que ça active le système immunitaire. C'est une inflammation, ça. Mais si tu as eu le COVID déjà, parce que bien du monde qui l'ont eu, ou le Delta, ou je ne sais pas quel Omicron, mais mettons le COVID, tu es vacciné deux fois, puis tu rajoutes une quatrième affaire là-dessus, c'est sûr que ton système va sauter. Puis ils le savent, c'est ça. Ce que j'essaie de vous dire, les gens, ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Ne soyez pas naïfs. Ils nous haïssent. Ils ont une haine profonde de ce que nous sommes individuellement. Peu importe qui, là, je ne parle pas du supramental. Ils n'en ont rien à cirer, nous autres. On est de la Ben, matière. quand tu parles d'eux autres, c'est important de clarifier à 1 % qui tu fais allusion. 1 % de la planète. Les multimilliardaires non élus qui fuck le chien. Les banques mondiales, Rothschild, Rockefeller et compagnie, là. C'est ça, c'est eux autres. C'est ça notre problème, c'est ce monde-là. Ça, c'est fini. Puis je vais te dire pourquoi c'est fini au niveau du droit occulte. J'ai vraiment eu l'information cette semaine. Je vous partage ça parce que je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Non, moi, j'étais un peu furieuse cette semaine. Pas furieuse, mais hey, qu'est-ce que vous attendez là, pour nous sortir de ce marbre-là? Parce que moi, je sais qu'il y a une sortie, quelque part, de la pandémie, en tout cas, de ce qui se passe présentement. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que. Puis là, j'ai dit, ont-tu perdu vraiment? Parce que moi, bon, tout le monde dit occultement, ils ont perdu, ils ont perdu. Moi, je voulais vérifier, ils ont-tu perdu? Ils ont dit oui. Pourquoi? Que je dis, qu'est-ce qui a changé depuis 400 ans qui nous font chier, là? Pourquoi que là, c'est fini d'un coup? Écoute ma réponse. C'est intéressant. Ils m'ont dit, ils ont transgressé une loi universelle. Ah, j'ai dit, c'est quoi? La loi universelle, je connais pas les lois universelles, j'ai de la misère à connaître les lois astrales. Bon, les lois universelles, c'est nos sources, c'est la source originale avec leurs lois, leurs règles, tu sais. Fait que là, ils m'ont répondu qu'il n'y a personne sur cette planète-ci qui peut provoquer des psychoses sociales sans conséquences importantes. Parce que ça brise le rythme de l'évolution individuelle des gens, et c'est pour ça qu'on est ici. Alors, ces gens-là qui ont provoqué des psychoses, je parle du 1 % de la planète, les amis, là, je parle pas du voisin qui t'a sacré une claque sur la gueule de ton voisin, ça n'a rien à voir. Dans le sens, ces gens-là ont créé des psychoses sociales présentement. Et c'est pour ça que c'est terminé. Ils sont faits à l'os, c'est Ben, terminé. quoique mon nom, lors de la Deuxième Guerre mondiale, si je prends ça au régime nazi, avec ses mesures de contrôle, ils ont créé aussi une psychose sociale dans les pays qui ont envahi la Pologne ou autre, avec la déportation Ben des oui, puis Juifs, peut-être le entendu con. qu'Hitler est mort aussi. C'était fini. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort qui va suivre, mais ça n'a pas survécu. C'est mort dans l'œuf. Là, ils ont repris ça, puis on le sait que c'est une suite de la Deuxième Guerre, là. Puis, en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans, c'est Mais très il y a complexe. des parallèles intéressants à faire, parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, il fallait montrer vos papiers. Il fallait que les gens montrent leurs papiers. Puis là, aujourd'hui, c'est le code QR puis l'identité numérique. Fait que c'est l'enchaînement, mais une numérisation des mesures de contrôle nazitaires. C'est ça, c'est une suite de ça, parce qu'ils ont repris le modèle, mais là, comme ils ont plus de moyens, tu sais, c'est un génocide sur les Juifs qui ont tenté que planter. Puis là, ils font une tentative de génocide humain sur toute la planète. Ils n'ont pas beaucoup d'ambition, ces gens-là, d'abord. Why not? Mais ce sont, c'est terminé, je te le dis, c'est planté bien raide, ça. Ça va prendre une couple d'années avant qu'on les voit tous disparaître, mais c'est sûr que ça passera pas. Le plan passera pas. Mais justement, par rapport à ta vision de l'avenir, et comme on est encore en début d'année, étant au mois de janvier 2022 ou au moment où est enregistrée cette émission, Toi, comment que tu vois les événements là, pour justement la fin de la crise, là? Moi, je vois rien. OK. Moi, il faut que tu me questionnes. Je ne vois rien, moi, tout seul. Là. Il faut que j'aie une question. Ben, je vais t'en poser une, là. Présentement, ce qui attire notre attention, c'est ce qui se passe à Ottawa avec les camionneurs qui manifestent vis-à-vis le Parlement. Un phénomène historique en passant, peu importe l'issue que ça va avoir, le simple fait de réunir des gens, Colombie-Britannique, Québec, Nouveau-Brunswick, au même endroit, qui ont convergé dans l'industrie du camion, c'est un événement historique juste à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que tu vois qui va en advenir de ce mouvement-là? Ben déjà, ça a créé l'union entre l'Est et l'Ouest qui était divisée depuis 60 ans. l'Est-Ouest, ça se parle pas bien bien depuis 50-60 ans. Donc, le fait des années qu'ils travaillent à la division du Québec français, le français, les Anglais, tu sais, la Ouais. division, ça vient de mettre fin à ça, là. D'un coup, ils sont tous ensemble. D'un coup, les Québécois sont fiers d'être Canadiens. Intéressant. Ben oui, ben il y a une unité qui se crée pour la fin des mesures sanitaires, Mon donc Dieu, un peu partout. c'est plus fort que ça. Ça va faire vraiment une fusion, un nouveau Canada. Il y a un nouveau monde qui se crée déjà. C'est déjà là, en passant. Ça commence sous toutes sortes de formes. Le Canada va devenir une autre façon. Le pays va être différent, tu vas voir. OK. Mais le point fondamental, c'est dans le rapport de force entre les camionneurs, les manifestants versus le gouvernement fédéral. Est-ce que le gouvernement va céder aux demandes des camionneurs dans les prochaines heures, les prochains jours? Céder. Oui. Faut que je pose la question. Faut pas que je jase. OK, oui. Faut que je questionne. Le gouvernement va céder. Ils vont démissionner. À ce Toute point-là, la gang. Pas rien que Trudeau. Toute la gang. François Legault. J'ai parlé de Trudeau, là. Je suis au Oui. Canada. Tu m'as posé le Canada, pas le Québec, chérie. OK. Mais c'est parce que tu me dis toute la gang, là. Fait que moi, Toute j'extrapolais la un gang peu sur le à Trudeau. Québec. La moitié du cabinet de Trudeau. Et dans le trouble, corrompu. On l'a vu cette semaine sortir dans le Journal de Montréal, le monsieur avec un chapeau sur la tête, jaune orange, rose et rose, avec sa barbouchette indienne. Comment il s'appelle le monsieur? Je ne sais pas son nom là, du Parti libéral. Là. Un Indien d'origine Ah, religieuse là, qui a je des sais pas. turbans, de toutes sortes de couleurs. Son frère vient d'être. Il vient d'être piégé. Il y a, je ne sais pas combien de milliers de dollars qui avaient été transférés à son frère, là, à ce monsieur-là. Il y a plein de choses qui vont sortir, vous allez voir. Trudeau et l'uranium, ça vous dit quelque chose? L'uranium du Non. Canada? C'est ça que j'entends, uranium. Moi, je peux même pas te l'expliquer ce que je dis présentement, là. Je veux juste te dire, ça me dit Trudeau, uranium. Il y a quelque chose avec l'uranium. Un scandale qui est caché, qui va être découvert. L'uranium, à quoi ça sert, David? Tu le sais-tu à quoi ça sert, l'uranium? Ben À oui, construire ben quoi? l'uranium, tu peux faire des bombes nucléaires avec ça. Tu peux alimenter aussi de l'énergie, puis ça peut amener des problèmes de pollution aussi, dans le sens que s'il y a des fuites d'uranium, ben là, t'empoisonnes l'eau, la terre, et ainsi de suite. Ah. Bon. Ils ont des plans, des sales plans, ces gens. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose avec ça. Mais je te le dis, le gouvernement du Canada va devoir, c'est carrément, comment on appelle ça, une démission en bloc. Ben, j'aimerais bien ça. Donc, ça va être un dossier, c'est sûr, à suivre dans les Faut que prochains je prenne la jours. face si je me trompe. On Comment? fout, j'ai mis à part ça. Moi, je ne crois rien de ce que je dis, je parle, puis après, je réalise que ça a du sens ou ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais c'est ce que je poigne. Non, ben, de toute façon, ce qui est important, c'est de pas croire, mais regarder par vous-même, là, qu'est-ce qu'il y en est, là. Après tout, on peut. Il y a le 22, il va avoir un relâchement. Tu sais, Bertol, il en parle, il l'explique dans comment il vit lui, mais moi aussi, je le vis comme ça. 2022, il y a un relâchement. Là. Faut il faut qu'il relâche. Ils sont tous en train de perdre. Ben, Il faut moi, qu'ils ce lâchent que. la pandémie, c'est Oui. over. Oubliez ça, c'est fini. Ils vont revenir avec d'autres choses. Ah, ben, il y a les changements climatiques qui nous attendent, là. Ben, C'est-à-dire, on c'est va ça. dire, la menace, c'est les changements climatiques. Fait que là, ça pourrait nous prendre un passeport vert. t'sais, qui va limiter les gaz à effet de serre, puis le retour de la bourse carbone un peu partout dans le monde comme priorité. Puis là, chacun calcule la quantité de pollution. Puis là, si tu prends l'avion trop de fois, ah, tu vas être bloqué avec ton passeport. Puis une espèce de système comme crédit social pourrait prendre le relais. Fait que l'implantation de l'identité numérique passerait pas par la menace d'un virus, mais ça passerait par la menace de la pollution ou des attentats terroristes. Oui, il va y avoir toutes sortes de choses comme ça qui vont se passer, mais il va y avoir d'autres. Il y a tellement. Je peux pas parler vraiment. Ils veulent que je sois bien zen, là, parce que je l'ai déjà dit, puis je le vois à chaque petite fois que je parle de ça. J'ai la même image qui me revient. On va avoir des sacrées surprises. Ils vont s'essayer sur l'environnement, mais tu sais, un tsunami qui fait disparaître la moitié de l'Asie. Tu as beau parler d'environnement, je te jure que tu as d'autres choses à faire pendant ce temps-là. Parce que ce que je vois, c'est une des choses qui peut arriver, là. Ça peut être quelque chose qui provoque un tsunami qui fait disparaître la moitié de l'Asie. Avez-vous idée que c'est la moitié de la population mondiale? Oui, exactement. Donc, il y a des événements extrêmes. D'ailleurs, j'ai fait des entrevues, entre autres, avec Marc de la Salle, qui annonçait la possibilité là, de morte en grande quantité d'endroits, de zones habitées là, en lien avec les changements climatiques, là, que ça allait augmenter. Ce ne sera pas un changement climatique qui va avoir provoqué ça. C'est ça que je te dis, là. Ça peut être une petite crise de bombe under. Bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe déjà une technologie pour contrôler l'environnement. On parle entre autres du projet HAARP aux États-Unis, où ce qu'ils peuvent bombarder la ionosphère par rapport à certaines ondes, puis avoir une incidence sur l'activité climatique. Ça ne te rappelle pas quelque chose dans l'histoire? Comment? Les gens qui abusent de certaines technologies pour faire des petites niaiseries. Par hasard, troisième race racine, on est où là? Ah ben, il y en a qui parlent du déclin là, de l'Atlantide lié à l'utilisation de certaines technologies. Pourrais-tu que ce soit encore des petites mémoires d'Atlantide qui nous font encore chier dans cette vie-ci là? Puis d'anciens dirigeants atlantes qui se sont réincarnés dans des dirigeants de nos pays pour... Les belliqueux, là, les petits Chris. C'est sûr, il y avait les belliqueux puis les fils de la loi de 1, là, comme en parlait Edgar Cayce là, dans ses livres. Oui, en tout cas, ben moi, c'est ce que je pointe, c'est que c'est les restants de ça qu'on élimine, là. Dont le Deep State a l'air d'être habité en estime. Bien, dans le fond, qu'on élimine, moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent s'illuminer aussi pour faire des prises de conscience eux-mêmes. Comment? J'ai dit illuminer, je suis pas sûr, mais éliminer certainement. Bien, c'est-à-dire que, dans le fond, à force de faire des gaffes, tu sais, si on en regarde Trudeau, il va peut-être être tassé, ou François Legault des élections. Ouais. Il va être tassé, c'est clair. Même le Deep State, il va le faire disparaître. Chris, c'est une nuisance publique, c'est idiot. Il est idiot! Il y a rien dans le coco, c'est un prof de théâtre, gang. Formé à l'école des gens d'affaires de ce monde riche. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Il a sacré son camp. T'as-tu vu l'affaire que j'ai mise sur Facebook de la petite bande dessinée avec les. Comment ça s'appelle? Voyons, j'ai perdu la mémoire d'un coup. Les Thompson. Simpson. Les Simpsons. Ouais. Vu le petit montage des Simpsons, c'est un montage. C'est pas moi qui ai fait ça. Là, non, je ne l'ai pas vu. C'est ça. Tu iras voir sur ma page Facebook. C'est le montage. Ça dure. Allez voir ça, les amis, vous allez rire. C'est un petit montage des Simpsons. Il y avait eu un montage déjà, une émission où il y avait un convoi de camions qui arrivait. Bon, je me rappelle pas. Ils mettent pas l'histoire en contexte. Mais là, ils ont pris cette image-là d'une trolley de camions. Puis ils ont mis un personnage Trudeau. Ils l'ont appelé Trudeau. Puis là, tu vois Trudeau se sauver par la fenêtre quand les camions débarquent. Bien, ça représente un petit peu ce qui arrive, tu sais, supposément qu'il y a quelques jours, il a été testé pour... Non, il n'a même pas été testé COVID positif, il aurait eu un cas contact COVID, il y a un test négatif COVID, là, il faut que je me mette en isolement préventif. 5 jours! C'est ça, exactement. Il a appris qu'il y avait plus que 2500 camions qui débarquaient ça. Ça fait que là, il a appris qu'il était dans le pétrin, puis dans le fond, il est dans la stratégie de l'évitement, de ce que je vois là. Mais t'as-tu remarqué que le Deep State, ils ont toujours la même stratégie, hein? Il y a plusieurs gens qui ont eu la COVID dans les derniers 6 mois. Ben oui. Placés bizarrement des bizarres de la planète, là. Ah, mais c'est parce que ça permet de faire paraître plus humain, mon autre, tu sauras. Parce que ça les rend sympathiques, parce que comme tous les êtres humains, ils peuvent être atteints aussi du virus. Ils sont pas au-dessus de ça. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Tu peux aller chercher du campal, la sympathie de la population en disant « Pauvre Trudeau, il est atteint de la COVID. Même lui peut attraper ça. Fait que si ça arrive à lui, ça peut arriver à moi aussi. » Ben, moi, ça m'est arrivé, puis je suis pas morte, les amis. En tout cas, moi, j'ai attrapé aussi un virus dans le temps des fêtes. J'ai pas fait de tests pour authentifier ou non. De toute façon, je doute de la fiabilité des tests actuellement de COVID. Mais j'ai eu un virus avec certains symptômes grippaux. Puis curieusement, ce qu'on me dit, c'est que l'Omicron est moins pire. Puis de ce que j'ai eu cette année, c'était moins pire qu'en 2020, quand j'avais attrapé un virus. Je ne sais pas si tu as vu les chiffres, si on peut parler de ça, peut-être les amis français qui nous écoutent, là, en France, ils ont sorti des chiffres intéressants, des chiffres officiels qui viennent de leur système de santé, comme nous ici, l'INSPQ, là. Oui. Et ils ont les chiffres, on a découvert qu'avec 37% des Français non vaccinés. Ah. Pensez-vous que c'est différent au Québec, les amis? Ben Je non! pense en France, ils disaient qu'il y en avait 10% de pas vaccinés comme nous autres, là. Ouais. Mais là, les chiffres, ils ont plus le choix. Ils ont été dé... C'est ça, je vous dis, ils ont beau jouer avec les chiffres, les comptables, là. Mais il y a encore du monde qui savent lire ça. Puis là, après 2 ans, là, ils se sont foqués. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça a sorti là, très, très officiellement en France, 37 % seulement de Oui, puis il y a un non-vaccinés. scandale similaire aux États-Unis où la quantité de gens vaccinés était, dans le fond, exagérée parce que quand les gens prenaient leur deuxième dose, ils calculaient comme deux personnes différentes alors que c'était la même personne qui reprenait une deuxième dose. Fait que comme ça, ils ont gonflé les chiffres. C'est ça, la même personne est deux fois dosée. Ben, c'est ça. Fait que là, ils augmentent les chiffres. Au lieu de dire que c'était juste une personne, c'en est deux. Fait qu'imagine trois, quatre doses. Fait que ah, il y a quatre personnes qui sont injectées au lieu qu'il y en ait juste une. Mais le show est bon. Écoutez, on a droit. Moi, là, je me trouve dans comment on appelle ça, là, les téléséries en direct, là, Ah, dans une télé-réalité. téléréalité. C'est une vraie télé-réalité. Ça fait 2 ans qu'on était comme immobilisés, puis là, d'un coup, ça commence à bouger, puis on est comme témoin. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça très intéressant ce qui se passe. Vraiment. Mais on va apprendre la même chose au Québec. Dans le monde, c'est toujours la même chose. Ils ont la même stratégie. Ils ne sont même pas assez intelligents pour changer leur stratégie d'application. À un moment donné, il a été dévoilé, je ne sais pas trop, une date précise. Il y avait 82 morts en frais du COVID en France, du COVID. Il y en avait 82 au Québec, en Angleterre, en Nouvelle. Ils avaient tous le même chiffre, les cons. Ça partait tout de Ruther, tu sais. C'est ça que je trouve beau, c'est que ça dévoile où sont nos ennemis, les amis. Où, tu sais, écoutez ça, vous allez rire. Je m'en vais annuler ma carte Costco. Moi, je fais des petits gestes personnels. Moi, Costco, terminé. Costco, terminé. Alors, je m'en vais faire une demande de remboursement. Écoutez, vous allez rire pour mourir. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, la personne au service? Ben, je viens porter ma carte, puis je vais être remboursée pour la différence. J'annule ma carte. Ah, est-ce qu'on peut savoir pour quelle raison? Puis là, je viens pour répondre, puis il me dit, est-ce que ça aurait par hasard un lien avec nos mesures sanitaires? J'ai dit, certainement, c'est pour cela. Je suis toujours gentille, hein, en passant, très, très gentille. Je peux être chiante, mais pas là. Et là, j'ai dit, mais ça, c'est exactement ça. Écoutez la réponse, j'ai peur que ça arrive. Ben là, madame, pensez-vous qu'on est content de perdre 15 à 20 % de nos clients? Moi, je riais. Je peux en rire encore plus fort. J'ai dit, hey, essayez-vous de me faire sentir coupable de ne pas venir vous voir, vous là, là? Il part à rire parce qu'il se rend compte de ce qu'il dit. Mais j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, je m'en sac de ce que vous. Je dis, monsieur, je suis désolée, je m'en fous de ce que vous dites, là. Je dis, ça ne me concerne pas, ça. Puis j'ai dit, tant mieux si ça frappe un peu, parce que j'ai dit, ça va peut-être faire changer quelque Ben, chose. il pourrait diminuer la superficie de 1500 mètres pour pas exiger, être obligé d'exiger le code QR comme a fait je pense que c'est un Renault à quelque part. En tout cas, il y a un commerce. Oui, ils l'ont fait. Ils ont diminué de la 1500 mètres qui fait en sorte qu'ils sont obligés de demander le code QR en fermant une partie du magasin. Bon, mais la grande surface de Costco a juste à faire la même chose. Ils veulent avoir des clients non injectés, là. Très bonne idée, je retiens ça. Je vais chercher le commerce qui s'affiche comme ça. Mais c'était drôle comme conversation, tu sais. Et là, il me pose, il dit, peux-tu vous demander une dernière question? Je dis, bien sûr, allez-y. Il dit, si on change nos mesures sanitaires, allez-vous revenir? J'ai dit, non, c'est terminé. J'ai dit, malheureusement, j'ai vu la bête. Trop tard. Ben, Bah. moi, ce que j'aurais dit, c'est que si vous les enlevez, je vais revenir. Non, je ne reviendrai pas, moi. Non. Ni la SQDC. En passant, des fois, j'aime ça. Moi, je suis un pétard quand j'ai envie de m'éclater. Je ne bois pas, je ne fume plus la cigarette. Mais de temps en temps, un petit pétard. La SQDC, je suis retournée dans le marché noir. Excusez-moi, là, quand je fais ça, moi, c'est fini aussi. Je ne donne. La seule façon de faire mal à ces gens-là, c'est de leur couper vivre. C'est la finance. Fait que maintenant, je m'en vais faire mes courses en Ontario, à Hawkesbury, dès que je vais pouvoir, parce que là, les camions, c'est tout bloqué. C'est à 40 minutes de Montréal, les amis. C'est moins long pour moi que d'aller à l'épicerie métro, tabarnak. OK? Je vous le dis, quand je me décide, moi, c'est. Fait que si les gens portent un geste comme ça dans leur mesure, ça fait mal. Tu sais, si vous avez un code QR et vous allez partout, peut-être que vous pouvez arrêter d'aller partout avec votre code QR pour ne pas nourrir cette division sociale. Peut-être, peut-être. Peut-être que vous pouvez sortir de votre nombril, là. Puis dire, ben là, je peux peut-être me passer du cinéma. On a tous un full écran dans la maison avec des accès de cinéma, temporairement. Se priver de petites choses, genre. Parce que les gens font partie du problème quand ils activent le code QR puis qu'ils continuent à Ben oui, nourrir la parce qu'ils personne. nourrissent la machine. C'est ça. À un moment donné, je l'ai dit, on l'a dit, même je sais que les gens détestent ça. Un jour ou l'autre, on va devoir prendre position puis arrêter d'être en arrière de notre écran à faire de la philosophie. Non, Là, on est exactement. intégré, puis de l'intelligence, c'est de l'action, puis c'est agir. C'est pas vrai que de l'intelligence, assis sur mon steak, à rester tranquille puis attendre que le temps passe. Non. Je suis désolée. Ça, c'est. Je prends ma retraite rendu là. Non, non, ben, je comprends. C'est sûr qu'au niveau du passage à l'action, bon, moi, j'ai déjà manifesté, mais toi, tu as été quand même à de nombreuses manifestations, là, au fil des derniers mois. Pas important le geste qu'on pose, David. Ce que je veux dire, c'est pas obligé d'aller. Il y a des gens qui détestent les rassemblements. Mais ce que je veux dire, c'est qu'individuellement, parce qu'on parle beaucoup dans le monde supramental, d'individualiser les choses puis de rentrer dans nos affaires. OK. Mais on vit en société quand même. En passant, même si moi je sais que j'ai une évolution individuelle, il reste quand même que ma position sociale est importante. Je ne crée pas de choc à tout le monde. Je reste dans mes culottes, dans mon univers. Je suis autonome, oui. J'ai travaillé 40 ans pour être autonome et je le suis maintenant. Oui, mais je ne joue pas la game du gouvernement. Tout simplement. Puis non, là, je me suis fait poser la même question que toi quand j'ai été malade il y a 2 semaines. Là, quand on devait le faire, je t'ai dit, on va reporter. Puis on m'a dit, mon autre, t'es allé te faire tester? Puis quand j'ai répondu non, les gens, il y en a une qui me dit, ben là, c'est important d'aller te tester. Je dis non, j'irai pas nourrir des fausses statistiques, je suis désolée. Puis j'ai dit, en passant, je t'enseigne, puis je suis pas morte. On va continuer notre vie, c'est tout. C'est une grippe, c'est pas compliqué, ça s'appelle un SRAS 2. Hein? Ben exactement, tu sais, de toute façon, les données scientifiques sont en train de donner raison. Il y a quelques mois, il y a des gens qui se faisaient traiter de complotistes parce qu'ils disaient « Ah, c'est pas si pire que ça. » Bon, ben les données sur Omicron, c'est que, dans le fond, c'est pas plus grave qu'une grippe, là. Ben là, c'est parce que c'est ça que c'est Omicron qui est en train d'immuniser tout le monde, parce que Omicron ne réagit pas à la vaccination. Soyons logiques, c'est facile à comprendre, là. Omicron, c'est un variant, parce qu'ils ont identifié une séquence qui permet de dire que c'est une déclinaison du COVID, c'est un mutant, OK? C'est un variant. Ils vous injectent quelque chose qui a été construit il y a 2 ans, là, sur un variant qui n'a plus rapport Mais c'est avec. ça qui circule pas. Puis là, ça ne marchera pas, si. C'est comme je prends une aspirine pour traiter un cancer. C'est parce que t'as pas le bon traitement, si. Je sais pas. Très simple. Facile de raisonner quand on se sort de notre tête un peu. Fait qu'est-ce qu'ils vous injectent? Je le sais pas. Moi, je veux pas le savoir, puis j'irai pas là. Je passe mon tour, je suis très généreuse dans ce temps-là. Je vous donne ma dose, madame ou monsieur. Mais le prix social des vaccinations est terrible aussi. Puis ça, on va le découvrir tantôt, parce que c'est tous ces gens qui tomberont malades, là. Ben, Qui va prendre soin c'est si peut-être Richard Martineau, Denise Bombardier, puis l'écuyer qui demandait aux gens de se faire vacciner. Donc, tous ces gens-là qui pressaient, ils mettaient de la pression, culpabilisaient les gens qui ne se faisaient pas vacciner. Ben, moi, ce que je dis aux gens, si vous n'êtes pas satisfait, vous irez les voir, tous ces beaux leaders-là d'opinion. Oh, c'est souffrant. Moi, je retrouve là-dessus, là, je dois donner mon. Je lève mon chapeau à toi ou à Berthold qui arrivait à lire des gens comme Denise Bombardier. Dumont est l'agacé plus capable. Mais moi, Madame Bombardier, je l'appelais Madame Bombardier, puis je l'ai suivie dans les années 80-90. Et là, ce que je lis quand tu as écrit, je suis plus capable de lire, je comprends rien. Premièrement, je me dis, es-tu folle? Parce qu'il faudrait retracer ces textes des années 80. Ils sont tous écrits, c'est tout Oh retraçable. oui. Puis Bertha, il a dit, coudonc, c'est-tu elle qui écrit ces textes? Puis ça m'a allumé, j'ai dit, oh, Alice, il a raison. Ça n'a aucun sens, ça ne peut pas être elle. Ou bien elle est démente. Parce qu'elle n'est pas jeune, cette femme-là, elle ne Ben rentre c'est pas ça, est avancé en là. âge aussi, là. de 80, Denise Bombardier, les amis. J'ai 61. Puis elle est plus vieille que moi, pas mal, là. Pas mal. Moi, je la lisais quand j'avais 20 ans, puis elle était déjà une femme âgée pour moi, alors 40 quelque, pas loin de 40, là. Fait que c'est Ouais. pour ça que je dis, à son âge, j'ai dû savoir, ils sont tous reliftés 14 fois, là. Fait que, bref, Madame Bombardier, je l'appelle la bombarde aujourd'hui, puis je suis pas capable de la lire parce qu'elle éveille tellement de haine, de division, le convoi de la honte. C'est quoi ton problème, fille? T'es malade dans ta tête. Moi, je suis sûre que c'est pas elle qui écrit ses textes. Bon, en tout cas, ça, on le saura jamais, là. Mais ça a aucun sens. Il faut pas lire ça, les amis. C'est ça qui divise les gens, qui nourrit la haine des gens. Moi, je lis ça, là, puis je viens, je le sens. Je suis sensible, on le voit. Je vois très bien les entités passer, aussi, puis ça veut manger le voisin, puis ça veut y manger à la Ah face. oui, ben c'est sûr Eh que bien, tout ça que je l'ironie du sort dans cette histoire-là, c'est que des propos haineux, puis dans le fond, les mêmes médias, là, que ce soit le Journal de Montréal, Québécois, bon, ils vont dire tous les gens qui sont des non-vax sont dangereux, sont haineux, puis à l'heure actuelle, c'est le contraire que je vois, c'est-à-dire des chroniqueurs vedettes comme Denise Bombardier, Richard Martineau, qui eux autres vont tenir des propos à caractère haineux ou haineux, raciste, discriminatoire. xénophobe, c'est fou raide ce qu'ils disent, là. C'est fou raide. Moi, je lis ça, mais ils sont fous. Ils vont se faire ramasser. C'est tout quelque chose qui va être écrit, des preuves, ça, de Oui. leur propagande, parce que c'est de la Ben propagande, les oui. amis, là. C'est clairement un discours haineux de propagande. Exactement. Ils coupent le câble, là. Ils m'ont dit comme une chartrand, hein. Coupe le câble! Il a bien raison, ça n'a plus de sens. Écoutez ça n'a plus de sens. Mais Les là, nourrir, ça n'a plus tu as de la sens. journaliste Julie Lévesque, que je trouve indépendante et intéressante aussi, qui fait un très beau travail parce qu'elle elle relate tout ça, puis elle va voir la police. En disant, écoutez, ils tiennent des propos haineux par rapport à une partie de la population qui n'est pas injectée. C'est de la discrimination, c'est de l'invitation à de la haine. Puis, dans le fond, ça peut amener des escalades, là, des débordements sociaux aussi en lien avec ça. Oui, elle avait envoyé une mise en demeure même aux journaux aussi. Elle fait très. Julie est extraordinaire, vraiment. C'est la seule présentement dans comment dire, qui a une certaine visibilité sur le web, là, entre autres avec les capsules qu'elle fait sur le groupe de la Une fille Fondation de des droits et Québec, une libertés. fille de ton coin, David, il y a une. Ben, tu sais que tu n'es pas à Québec, là, mais il y a une. Comment elle s'appelle? Elle a été responsable de TQS, antenne de TQS longtemps. C'est une Ah, femme. veux-tu parler de José? Josée, comment? Oui. Elle, Ah, là, a fait des lives aussi, j'ai oui. vu. Dans le fond, et blonde, José Turmel. Turmel, voilà. Oui. Josée Turmel, elle était chef d'antenne à TQS, puis elle fait des lives, puis elle explique aux gens, elle leur dit comment ça fonctionnait dans son temps à elle, puis comment c'est changé aujourd'hui, puisque c'est ça, c'est plus du journalisme, hein. Faudrait pas se. On va mettre le mot à bonne place. Ce sont devenus des courroies de diffusion, les journalistes. Donc, c'est plus du journalisme, c'est des relationnistes, ça. Alors, ils passent l'information du gouvernement vers la population. Ça s'appelle un courroie d'information. C'est Ce ça. n'est plus du journalisme. Il n'y a plus d'enquête. Il n'y a plus d'enquête indépendante. Le peu qu'on y a assez peur des conséquences, qu'ils n'osent plus bouger, ceux qui peuvent, là. Je parle pas de l'agacé et compagnie, eux autres font partie de. Eux autres, ils ont décidé de faire partie des riches de la planète bientôt, là. Mais ils m'ont une petite surprise. Oui, exactement. Donc, Oui. parce que les choses n'arriveront peut-être pas comme qu'ils pensent. Puis, tu sais, eux autres faisaient promotion de l'injection gros comme le bras. Or, ça n'a pas réglé le problème. Il y a toujours des cas de contamination en lien avec le virus. T'sais, si on le prend juste sur un premier niveau, là, Ça l'amplifie même le problème. ben, ça C'est ça. amène plus de mutants. Dans un article d'ailleurs. Ouais. De mutants, ça empêche l'immunité naturelle qui est tellement plus puissante que l'immunité de 33 jours. Excuse-moi, ils disent 60 jours. Avant, c'était 95 %. Hein, là, on est rendu à 30 % pour 60 jours. Hey, c'est du n'importe quoi. Ben oui, puis ça diminue tout le temps au fil des mois. Puis là, ils veulent développer Pfizer un vaccin contre le variant Omicron qui est supposé de sortir au mois de mars 2022. Mais quand ils vont sortir le vaccin par rapport au variant Omicron, ben là, il va peut-être avoir une autre source qui va circuler. Dans le fond, le variant du variant Omicron, le sous-variant Omicron. Fait que là, c'est comme tout le temps un coup en retard sur la nature. Fait que ça finit plus, là. Il y aura tout le temps des doses. Regarde, je pose la question, pourquoi qu'ils forcent le dosage comme ça? Parce que c'est quasi ridicule, parce qu'ils vont se tuer. C'est clair qu'ils sont en train de mettre à jour plein de choses en faisant ça. Ils accélèrent les vaccinations. Puis ça me répond, écoute bien, Oui. c'est leur source de financement principale. Ils sont en faillite. Mais voilà pourquoi ils poussent la vaccination, c'est payant. Ben, c'est payant pour l'industrie pharmaceutique. Plus, non, mais ils se seraient retirés s'ils avaient été capables, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Ces gens-là sont en faillite, les banques mondiales. Ben, c'est pas, ça dépend. S'ils ont des actifs importants dans les GAFAM, Google, Apple, Facebook, ben, c'est eux autres qui sont les grands comptes. Facebook, ça n'existera même plus dans un an. Ça va être mort. Un an et demi, 2 ans maximum. C'est fini. Ah, je Ils suis pas, je ont pas. compris. Ils ont compris que la censure. YouTube va peut-être survivre, mais pas Facebook. Oublie ça. Facebook va être remplacé par un Getter ou quelque chose de même. Je suis pas C'est tout sûr, qui moi, parce que dans le fond, Facebook, il y a moins de censure, je trouve, à l'heure actuelle que sur YouTube. Et on n'a pas le même Facebook tous les deux. J'ai beau essayer de regarder, par exemple, Oui. je regarde des vidéos là présentement sur ce qui se passe à Ottawa. Quand je regarde sur Facebook, il n'y en a pas un câlisse qui fonctionne normalement présentement depuis 48 heures. À chaque fois, je mets le piton on, ça plante, ça tourne en rond, ça me dit difficulté technique, vidéo. Ben, moi, ça fonctionne très bien de mon côté. C'est bizarre, hein? Moi, je dois être. Je pense qu'ils ont ciblé certaines personnes. Je vous raconte une anecdote. J'étais au téléphone tantôt avec une amie, on parlait de ce qui se passe, puis je mettais des mots du genre qu'on ne devrait pas mettre. La ligne a coupé 2 fois, les amis. On n'est pas sur écoute du tout. Chris, 30 minutes de conversation, on parle de ce qui se passe, 2 fois la ligne coupe. 2 fois. Le téléphone, là. Je ne parle même pas de Facebook, là. Je ne crois pas au hasard, moi, c'est un peu trop rapide, Ben, il y a là. peut-être des forces qui n'ont pas intérêt à ce que vous parlez de certaines choses. C'est ce que j'en pense des forces. Force-moi-les, le contact, voir que je botte le cul. Ouais. Mais ce que je voulais te dire, c'est que des gens comme par exemple Dan Pilon, ensuite Jonas Colin, avec sa revue de presse, bon, ben, ces gens-là ont été censurés de YouTube, puis on les retrouve sur Facebook. Ben, Colin, il en arrache sur Facebook. Il est rendu à 3-4 chaînes, puis. Oui, il a connu une certaine censure, mais on ne l'a pas coupé complètement, là, à différence de quand il était sur YouTube, là. David, on ne va pas passer 20 minutes sur lequel qui est le pire des deux OK, cons. ben regarde, il n'y a pas de problème, on En peut... deux cons, ils sont pas mal cons. Oui, non, c'est ça. On peut aussi, c'est sûr, parler d'autres choses. Moi, ce que je voulais avoir tantôt dans ma question... Femmes du Québec. Je veux parler des femmes du Québec. OK, vas-y. Allô? Je m'excuse, je fais le clown un peu, les amis. C'est un sujet que je veux aborder, non pas d'une façon trop polarisée, bien sûr. C'est un sujet assez touché, mais j'ai eu une prise de conscience assez profonde dans les dernières semaines au Québec. Je parle aux Québécoises présentement, puis aux Québécois. On a un sérieux problème, les amis, ici au Québec, là, avec nos enfants qu'on est en train de faire picouiller, puis moucharder pendant des heures, tout. Un masque, 7 heures par jour à l'école, 6-7 heures à l'école par jour dans la face, plus la picouille, vous allez les tuer. C'est-tu clair? Puis le masque pendant les cours d'éducation physique. J'ai parlé récemment avec une mère de famille qui m'expliquait que son fils était obligé de porter le masque quand il faisait du sport dans le cadre de cours d'éducation physique ici au Québec. C'est un des exemples qui sort, qui relève du délire. Et là, je vais faire un aparté que les femmes féministes de cette planète m'aimeront pas, mais j'en ai rien à cirer, je vous le dis d'avance. Écrivez-moi pas pour me le dire. Au Québec, là, qui mène les écoles primaires et les directions d'écoles primaires? En majorité. La réponse est claire, hein? C'est 95% de clientèle féminine. Je parle des écoles primaires, où là où on a le plus d'impact dans un enfant, en passant. Dans son développement, entre autres, pour le Dans son 0,5 ans, là. développement. Ouais. Ah, OK, on se comprend. De 7 à 11, 12 ans, c'est très important. Ce sont des femmes qui sont en train de faire quoi, là, à nos enfants? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à nos enfants, mesdames, qui se disent tellement intelligentes au Québec? Je suis désolée. Je contiens mon énergie pour ne pas me mettre en beau tabarnak. Je suis dégoûtée de votre manque de transparence et de remise en question les femmes au Québec. Wow, on a peut-être libéré nos soutiens, Georges, et ouvert nos petites pattes, là, mais on n'a rien compris encore. Puis ça, c'est un combat, puis c'est les femmes qui doivent le faire et non les hommes. Si vous ne faites pas attention à vos enfants, puis vous ne les protégez pas, vous êtes en train d'envoyer comme message à cette génération que les femmes du Québec haïssent leurs enfants, tabarnak. Tu es en train de confirmer les propos du Doc Mayhew, qui disait qu'au Ben oui, Québec, puis on c'est la n'aime première pas fois les que enfants, je parle on de n'aime ça. pas les personnes âgées non plus. Ouais. Ouais, mais en tout cas, les personnes âgées, c'est une autre catégorie, ça, de Mais je suis problématiques. d'accord avec Mais les toi que pour les femmes. enfants, les femmes qui collaborent au régime, en général, il y en a quelques-unes qui se sont opposées, mais c'est minoritaire à l'heure actuelle. Donc, Ben, c'est ça. Et ça doit cesser. Le prix à payer de ça, le Québec va se le taper, les amis, pas à peu près. Arrêtez ça. Vous devez cesser de laisser vos enfants aller à l'école masqués. Vous accompagnez vos enfants dans l'école et vous les forcez, ces profs-là, à se tasser. Ils n'ont même pas le droit de vous toucher, tabarnak. Prenez-vous un groupe, rassemblez-vous, vous arrivez dans l'école en groupe, pas de masque, et vous rentrez dans l'école. Vous appelez la police, même s'il faut. Ça se fait en Alberta, ça, présentement, en passant. Ce que je dis là, je l'ai vu. Vous accompagnez vos enfants. Mais là, les parents, ici au Québec, ils n'accompagnent plus rien, ils délaissent leurs enfants à la société. Hey! Réveillez-vous, tabarnak! Là, je fais du Bernard avancé parce que je vais me calmer. Ouf. Bernard, quand on parlait des enfants, il venait fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. Bref, je m'arrête là, je relaxe, je m'arrête là. Non, Parce mais que. tu soulèves un bon point parce que ça handicape le développement à l'heure actuelle des enfants, le port du masque, les consignes sanitaires, puis ça introduit des traumatismes. Les gens vont dire, ah, c'est encore juste pour quelques semaines, mais finalement. Faites-leur passer un test d'oxygène avec ça dans la face. Vous allez comprendre qu'en 10 minutes, ils sont en hypoxie, Chris, puis ça leur affecte le cerveau. Regarde, je suis pompée, là. Je suis pompée, je suis pompée. Chris, réveillez-vous. Vous êtes éduquée, femme? Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Je veux bien fourrer à droite et à gauche librement, mais c'est pas une raison d'abandonner nos enfants. Hey! Hey! Ah, une chance, j'ai pas d'enfants à l'école. Moi, je serais en prison. C'est pas compliqué. Je serais en prison. Je serais jamais laissé mes enfants aller à l'école dans une école de marde. Je les ai retirés de l'école. Venez me chercher, Calice. Tu vas voir, le gouvernement, on peut rien faire. Le juge, oui, Mais amène-moi là, esti. mon nom, aujourd'hui, on est Excusez-moi. rendu à un stade que le parent qui est opposé aux mesures, qui s'est pas fait injecter, parce qu'il y a quand même une jurisprudence faite récemment par rapport à ça, il y a un gars qui a perdu la garde de son enfant. C'est Parce que les documenté. gens ne se regroupent pas, David. Tu peux pas attaquer Goliath seul. Non, pas Goliath. Oui, je ne sais Ben pas. oui. Là. Oui, David et Goliath, c'est ça. Ben oui. Mes amis, l'entraide au Québec, ça a déjà existé. Chris, ça, je l'ai dans le corps, moi, puis je suis québécois. C'est vibratoire, on l'a. C'est une petite fibre bien profondément ancrée en nous. Faut s'unir pour se battre. C'est ça que les camionneurs sont en train de montrer aux gens. Vous ne pouvez pas vous battre tout seul contre ça, c'est trop gros. Mais les femmes, là, qui sont à l'école, là, puis qui enseignent à ces petits-enfants-là, ils ont un câlisse de syndicats qui ne font rien. Allô? Vous avez quelque chose entre les mains pour agir, mais vous ne bougez pas votre cul, vous ne vous assemblez pas. Les profs, les parents, vous devez vous regrouper. Vous ne pouvez pas agir tout seul. Oubliez ça, le monsieur ou la madame dont tu parles, j'ai vu ça Ben, aussi. c'est un monsieur, dans le fond, qui a perdu la garde de son enfant parce Ouais. qu'il n'était pas adéquatement injecté. Et puis, il aurait relayé sur Facebook des propos complotistes, selon le juge. Puis là, dans le fond, il a dit au juge qu'il respectait les mesures sanitaires. Puis il a dit, ah, vu que vous avez relayé ça sur Internet, je doute de votre bonne foi. Fait qu'il a perdu la garde de son enfant. Ben comment, oui, puis en tout cas, on Mais pourrait là, c'est parce parler. qu'on est rendu à un procès moral que, tu sais, si t'adhères pas au narratif officiel, t'es vu comme quelqu'un qui est pas digne de t'occuper d'un enfant. Ben, ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, encore une fois. Vous savez, la justice, c'est pas toute la justice qui est corrompue, comme c'est pas toute la police Ben, qui est sais-tu quoi, corrompue. depuis environ 2 ans, j'ai l'impression que c'est pas mal toute la justice qui est corrompue. Tous les procès qu'ont voulu, ben pas tous les procès, mais les démarches qu'ont faites la Fondation des droits et libertés pour mettre fin au couvre-feu, port du masque, etc. Chris, il n'y a jamais rien qui marche. Ben, les démarches qu'ils ont faites, c'est peut-être trop vite. Moi, c'est ça que j'avais comme information dans le temps. La Fondation, ils ont quand même des pions bien placés pour l'instant, mais c'est parce que ils ont bougé. Dans certains contextes, ils ont bougé trop vite, il n'y avait pas assez de preuves. Les juges sont aussi sensibles à l'ambiance générale du peuple, c'est-à-dire si le peuple est d'accord avec les mesures, ils vont suivre, ils ont suivi. Mais là, ils commencent à sentir que ça change de direction. Hein. Fait que ça se peut que les jugements soient autrement. Mais la Fondation, ce que je pense qui est très important de comprendre, c'est qu'eux autres, ils attendaient la vaccination obligatoire pour contester. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais mis la vaccination obligatoire encore. Parce que c'est là où on peut aller chercher voir mettre le test du système vraiment sur des chartes des droits et libertés. Parce que s'ils font ça, ils attaquent deux chartes, la canadienne et la québécoise. Et même la loi de la santé publique, la loi 23, je crois, numéro 20, pas trop, je crois, c'est 23, qui dit qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en temps d'urgence, puis que il faut qu'ils prouvent qu'on est en urgence sanitaire. On n'est plus en urgence sanitaire depuis longtemps. Ça fait un an et demi que c'est fini. On l'a déjà été? Bien, ça, non, mais ça, on le découvrira plus tard. Tu sais que le nombre de morts directes au Québec, c'est autour de 500 personnes du COVID sur les 12 000 qu'ils nous disent. Avec ou sans comorbidité? Bien, les 12 000, il y en a 5 000 qui déjà sont 85 ans et plus. En passant, les gens qui sont décédés dans les CHSLD, la moyenne d'âge était de 85 ans, quand la moyenne d'âge de décès au Canada, c'est 82 ans. Donc, déjà. Mais ils ne sont pas morts de la COVID, ils sont morts de négligence. Ben oui, puis ils veulent camoufler ça en disant qu'ils sont morts de la COVID. C'est ça. Puis c'est notre gouvernement qui a donné des très mauvaises consignes parce que c'était il y a quelque chose d'organisé. C'est dur à avaler, ça, parce qu'on est en train de découvrir que notre propre, nous qui pensions être à l'abri de ce qu'on voyait à l'étranger, dans d'autres pays se faire, là, on découvre que ça se fait ici. Puis qu'ils sont en train de nous passer au savon. Fait qu'il faut se lever, il faut se lever, on n'a pas le choix. On n'aura pas le choix, je vous le dis, individuellement et collectivement, c'est pas la même chose, je suis d'accord. Il y a des gens individuellement qui ont. Bien, c'est ça, on peut agir à différents niveaux. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dans des manifestations, qui vont signer des pétitions, qui vont aller sur Internet, là, prendre la parole. On pense entre autres à des lanceurs d'alerte qui font des capsules vidéo régulièrement, donner des dons aussi par rapport à Sur des... les gens, leur. Ouais. C'est Il y a des choses ça. qu'on peut faire, c'est ça, Il c'est y a sûr des que c'est. choses, moi, au niveau individuel, ben, je ne suis pas injecté parce que je suis pas d'accord avec de me faire injecter plusieurs fois, puis le principe que ça m'amène à nourrir un système lié à l'identité numérique où ce que éventuellement mes déplacements sont surveillés et tracés, le code QR qui est scanné. Surtout, hein, c'est l'espèce de code QR, c'est ça qu'ils veulent vraiment prendre le contrôle des gens. C'est ça exactement. Moi, dans le fond, ce que je te dirais, l'enjeu, bon, oui, il peut avoir des effets secondaires, il y a l'injection, pas être vacciné, etc. Mais à la base, c'est vraiment l'implantation d'un système qui devient la nouvelle normalité, puis que les enfants grandissent depuis leur jeune âge, qu'à chaque fois que tu rentres dans un commerce, puis il faut que tu montres ton identité, t'es scanné. Pour aller t'acheter une boîte de clous, il va falloir que tu te prouves que tu es vacciné. C'est une ridicule absolue. Mais moi, mon corps, c'est mon choix, puis ça ne sera jamais le leur. C'est pas parce que le Canada dit mon corps, mon choix, là, qu'il dit ça. Ça fait 35 ans que je le dis. J'ai coupé quand le neurochirurgien voulait m'opérer quand j'avais 25 ans, j'ai dit non. J'étais déjà là-dedans, mon corps, mon choix. Puis en passant, les amis, à moins de me prouver que ma santé, qu'une maladie va vraiment mettre en danger d'autres personnes, ça va être ça. Aussi longtemps que je peux, mon choix, ma santé, ça appartient à personne. Puis si je veux mourir d'un cancer, puis je refuse un traitement, j'ai le droit. Puis vous avez le droit aussi d'accepter le traitement. Ben oui, ben après tout, il y a les témoins de Jéhovah qui vont refuser les transfusions sanguines, puis invoquent la liberté de religion pour faire ce choix-là par rapport à leur corps. Donc, fait que je verrais pas si eux autres peuvent faire ça, puis il y en a qui meurent parce qu'ils refusent des transfusions de sang, que moi, je pourrais pas refuser de me faire injecter une substance expérimentale qu'on connaît pas les effets à moyen et long terme, puis les doses combinées, qu'est-ce que ça donne aussi comme impact? Mais tu sais, combien ça fait de personnes, 15% de la population mondiale vaccinée? Il y a combien de gens vaccinés sur la planète présentement, même si les chiffres sont faux, là? C'est quoi? Oh, Combien? je suis pas bon en mathématiques, fait que oublie Non, ça. mettons je pense que c'est pas loin de 2 milliards qui auraient eu des vaccinations un peu partout là, dans le monde, sur 8 milliards de population. 15% de ça qui disparaît, c'était le but de Bill Gates en 2017 en vaccinant. Mais je ne donnerais pas ces intentions-là comme ça. Pour... Ben oui, mais il annonce le plan Ben, d'aller. lui, il veut réduire la population, Non, il a mais... dit qu'en vaccinant en 2017, en OK. 2017, il mentionne qu'en vaccinant les gens, on va amener une diminution de 15, de 10 à 15 % de la population. C'est ce qu'on va avoir comme constat à la fin du COVID. Le plan avance. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça doit dire qu'il n'est pas fini, le plan. Mais ça a été dit, David, ça. Puis ils le font, ils sont obligés de mentionner. C'est peut-être la seule raison pour laquelle j'écouterai les nouvelles, c'est qu'ils sont obligés de dire ce qu'ils vont faire. Fait que là, on nous annonce entre autres que des pays comme par exemple l'Autriche, que la vaccination va être obligatoire. Puis si les gens ne sont pas vaccinés, ils s'exposent à une amende de plusieurs milliers d'euros. Il y a la Grèce aussi qui va dans le même sens, que les gens seraient obligés de payer une amende. Donc, si ça arrive dans certains pays de l'Union européenne, ben c'est sûr que ça peut être possible aussi qu'au Québec, à un moment donné, ils veulent aller de l'avant avec ça. Oh, ils vont, je ne dis pas qu'ils se sauront pas, mais ils ne pourront pas. Sais, au niveau occulte, l'Amérique du Nord est protégée. N'oublie jamais ça. C'est complètement protégé. Puis, bah, je l'ai déjà dit, particulièrement parce qu'il y a la Constitution américaine qui est la base d'un début d'un nouveau monde dans quelques années. On est complètement dans une bulle ici, l'Amérique du Nord. Hein. C'est Bien, le protégé. Québec, on le voit qu'on est dans une bulle. On est les pires mesures sanitaires dans le monde, là, avec le couvre-feu. On est la risée des gens, entre autres, en Floride. T'sais. Ouais, mais c'est parce qu'on a une spiritualité à brûler, hein. Si on le regarde occultement, là, le peuple québécois, c'est un des peuples les plus spirituels qui existent sur la planète. Sais, le monde est rempli de bonnes intentions. L'enfer est rempli de gens de bonnes intentions. Je trouve que ça représente bien le Oui. Québec. Un exemple de ça. Je roule sur l'autoroute aujourd'hui pour revenir rejoindre David. Hein? Puis là, tout le monde roule à 100 km/h sur les quatre voies. Ah, je suis plus capable, ça, c'est-tu? J'ai le goût de lui botter le cul. Non, mais tabarnak, ça te tente pas de te tasser à droite pour laisser le monde passer à gauche à 110, 120? J'ai-tu le droit d'attraper une contravention si je veux? Non! Le Québec au complet roule à 100 km/h. Moi, je suis correct, c'est à ça. C'est ça le côté crissement moral du Québec qui m'a... Moi, c'est 100 km/h, là, sont sur les quatre voies, là, c'est rendu que la voie de droite, là, si je te parle de Montréal, là, c'est sûr qu'en région, ça va Ouais. être différent, mais là, c'est rendu que c'est dangereux parce que les gens à gauche roulent tellement lentement que la voie de droite va toujours plus vite que celle de gauche. Oh! Hey, la gang d'Ottawa, si tu tasses-toi, tabarnak! Ça m'énerve, ça. C'est une espèce de... Je crée de l'opposition. Ça, c'est le peuple, ce qui reste de cromaillon des Québécois, là. Je résiste à quelqu'un qui veut aller plus vite que moi. Comment ça, tu veux aller plus vite que moi? C'est la maudite morale. Oui, ben le peuple québécois est réputé pour être jaloux en disant, ben c'est pas vrai que toi tu sois allé plus vite que Jaloux, moi. bloquant, limitant. Je veux pas que tu ailles Castrant. plus vite que Ben lui. oui. Faut tout... Des fois, je roule, là, puis je roule ma vitesse, là. Là, il y a une espèce d'ego qui s'allume à ma droite, là, que là, qui est sur la voie plus lente que moi, qui dit non, lui, il veut plus se faire doubler par une femme d'un coup. Je l'entends, Chris, penser. Là, ça roule, là, jusqu'à ça me coupe en avant pour me passer dans la face. Rien que parce que je suis une femme en camion. Ben, c'est comme si tu ne te tentes pas de prendre ton tour. Non. Mais ceci dit, c'est gossant, cette mentalité de ben là, on a, c'est ça la vitesse au Québec, on va rouler comme ça. Ah, là, chez moi, quelqu'un. Prenez votre trou, si, puis arrêtez de faire la morale à tout le monde. C'est le nivellement vers le bas québécois, le modèle moralisateur, infantilisant. On le voit avec la gestion de crise. T'sais, on est beaucoup plus infantilisé ici que les gens dans le sud des États-Unis, comme au Texas ou en Floride. En Floride, il n'y en a pas de mesure. Il n'y a pas de port de masque, il n'y a pas d'injection obligatoire pour. Juste en Floride, David, là. Pas juste en Floride. Il y a plusieurs États, l'Arizona, la Pennsylvanie. Il y a plein d'États qui sont libres, comme l'air, les amis. Là. On parle de la Floride parce que c'est Bluebird, c'est Snowbird, Les les snowbirds, donc les Québécois qui vont là pendant la période de Snowbird, parce que l'hiver, là, ouais, se on entend parler réchauffer. de la Floride plus à cause de ça. Puis aussi parce que Trump est là, puis il y a du monde Trumpiste, là, mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas rien que l'État. Il y a quelques États très ostracisés, dont New York, New Jersey, la Californie. Mais en passant, là, les camionneurs du Canada ont éveillé les camionneurs des États-Unis. Ils ont organisé un convoi qui part de la Californie. de camions qui s'en viennent aux frontières du Québec, du Canada, aux États-Unis en premier, puis qui ensuite s'en va sur Washington en pensant qu'ils vont lancer l'idée de ramener encore plus de camions sur Washington. C'est dans les 2, 3 prochaines semaines, vous allez voir ces mouvements-là se placer, là. Oui, puis on va voir s'il va y avoir des incidents similaires au mois de janvier 2021 à Washington, advenant qu'un rassemblement de manifestants avec les camionneurs, là. Ça se reproduira plus, ça se finit. Ils sont faits. C'est plus possible, ça, de refaire des flags, false flags aux États-Unis. Oui, ben, en tout cas, en début de janvier 2021, et avec les manifestants, les Antifa, là, qui ont infiltré les rangs, moi, j'ai l'impression que ça peut se refaire quand même, là. Ouais, mais j'ai hâte de voir ça, moi, des Antifa avec des camionneurs et le bord de métal. Je blague. C'est une blague que je fais, mais t'as-tu déjà embarqué dans ces camions-là? C'est beau, Antifa, là, mais je sais pas comment ils vont faire avec lui. Il faudrait qu'ils débarquent en char d'assaut, tu sais, parce que, Chris, c'est haut et c'est gros. C'est très haut, les amis. Il faut vraiment, c'est très haut, ces camions-là. Puis ils ont dit que s'ils essayaient de les déplacer, t'as-tu qu'est-ce qu'ils ont dit? On va tous s'attacher ensemble. Ils ont toutes des chaînes pour s'attacher entre eux. Ils ne pourront pas déplacer 3, 4, 5 000, 8 000 camions ou 10 000 camions. Non, t'as raison. C'est sûr que Là, si je te dis, il on... y a quelque chose dans ce phénomène-là qui est surprenant. Ça, c'est intelligent. Pour moi, c'est de la pure intelligence en application. Il y a quelqu'un qui a pogné l'idée, là, puis c'est très intelligent. Ça protège le peuple, c'est ça, je te dis. Les antifas, on en a moins ici, fait que c'est difficile. On en a, mais il y en a moins d'infiltrés. Il y a plus d'infiltration au Québec des antifas qu'au Canada. Aux États-Unis, il y en a pas mal, mais il commence à être connu, le phénomène. Les gens commencent à le savoir, là. Ils l'ont vu. Fait que Exactement. camionneurs, mais 25 000 camions devant du Washington, machin chouette, là, la bagasse à la maison grise, Ben là. oui, le capital de Oui, Washington, oui. ben, bonne chance pour les antifas, c'est ça, je te dis. Quand même qu'ils essaieraient de foutre la marde, c'est gros, des camions, c'est ça, je te dis. Pour attaquer, il faut qu'ils attaquent avec des armes claires. Des gros armements, là, je veux dire, des bons fusils, je sais pas, ça va devenir trop visible. Ils sont faits, c'est ça, ils peuvent plus. C'est plus une stratégie utilisable, ça, avec les camionneurs puis le peuple uni, parce que c'est devenu un mouvement populaire, hein. Les camionneurs ont parti un mouvement, mais là, ce qui se passe à Ottawa, c'est devenu un mouvement vraiment Oui, populaire. ça s'est élargi exactement. Toutes les tranches de la population qui vont manifester. Il y a même des familles, qui sont sur place. Oui, puis pour plusieurs semaines, je te dis, il y a les relais qui s'organisent là présentement, des gens. En tout cas, c'est pour ça que je dis, je suis pas sûre que les antifas vont pouvoir agir là-dedans. On verra. On verra. En France, c'est ceux qui sont très infiltrés. Ben Ils ont oui, si réussi on un parle peu des par mouvements des terre. gilets jaunes, là, où ce C'est qu'il y ça. avait des agents perturbateurs parmi eux autres, puis ils les avaient reconnus par rapport aux bottes. C'était associé à la police ou à l'armée. Ouais. Ben, c'est pas vraiment l'armée, c'est des section underground, c'est un peu comme l'OTAN. Hein? L'OTAN, là, c'est une armée au service du 1% de la population. Là, c'est une armée privée, ça, l'OTAN. Mais dans les armées, comme général des pays, il y a toujours des petits noyaux là, de gens spécialisés dans certains domaines étranges. Ça se peut, mais c'est pas toute l'armée. Moi, l'armée canadienne, oubliez ça, débarquera pas. Hein? Débarquera pas à Ottawa, regardez bien ça. On va voir, parce que c'est sûr que Trudeau fils pourrait faire comme Trudeau père, puis déclarer les mesures de guerre, puis mettre les forces armées dans les rues. Il peut pas, c'est trop tard. La common law, ça marche pas de même. Mais il faudrait que je relise, là. Je suis allée très vite, mais je sais que ça a été abordé, puis c'est pas possible. Ça marche pas de même, là. Il aurait fallu qu'il déclenche avant que le monde débarque. Ils ont sous-estimé. Tu sais, ils sont tellement faciles à Orgueilleux qui ont comprendre, les sous-estimé amis. la menace. Ils ont sous-estimé, ils sous-estiment. Je vous l'ai dit, ils nous prennent pour des idiots finis. Pour eux, là, je sais pas, mais c'est difficile à imaginer leur vie, ces gens-là. Ils sont tellement en dehors de notre réalité. C'est des psychopathes, clairement finis, là, mais crème, ils vivent pas comme nous. Donc, ils sont pas capables d'évaluer vraiment, même s'ils font, tu sais, ils mettent beaucoup d'énergie à essayer de savoir comment on est massivement, collectivement. Mais individuellement, ils n'ont aucune mesure de ce qui se passe vraiment dans l'éveil des gens. Il y a beaucoup plus de gens éveillés qu'ils pensaient. Ils sont fait poigner bien raide, c'est ça que je dis. Bien, c'est parce que si les dirigeants écoutent les médias qui relaient que, dans le fond, c'est une minorité qui est opposée, puis ils croient à ça, parce qu'à force de se faire répéter quelque chose dans les médias, soit Radio-Canada ou TVA, bien, ils finissent par croire ça, bien, ils vont surestimer les opposants. Sous-estimer les opposants, pardon. Sous-estimé, ouais, mais c'est ça. Mais là où le discours peut plus tenir, Trudeau vient de le faire, là. Il est allé dire, en anglais, je vais le traduire en français, il est allé dire publiquement que c'était une petite tranche de la société qui s'en venait sur Ottawa, une petite tranche Oui. de débiles. Il ne l'a pas dit de même, mais ça sous-entendait qu'on était des terroristes, une petite frange de la société. Mais la petite frange de la société à 1,5 million, tu as l'air d'un con un peu quand tu as dit ça, là. La petite frange de société, si on pense à 3, 4, 5 000, 10 000, pas 1,5 million qui sont à Ottawa présentement, parce qu'ils évaluent à peu près autour d'un million et demi, la police d'Ottawa. Pas de petit joblot. Bon, en tout cas, Ben comme vous c'est pouvez ça, voir, mais Trudeau avait déclaré que dans le fond, 90% des camionneurs sont vaccinés comme la population, donc ça n'aura pas vraiment d'impact dans les prochains jours par rapport à la chaîne d'approvisionnement. ça, c'est pas réel. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, la chaîne d'approvisionnement est entamée depuis 2 ans, puis les camionneurs l'ont dénoncé. Quand on écoute un peu les gens, alors, quand il y a un camionneur, je ne sais pas si tu as vu, qui a démontré un exemple que ça fait déjà 2 ans que le Canada, la gang à Trudeau, cherche à briser la chaîne d'approvisionnement au Canada. Puis que eux, ce qu'ils font, c'est de devancer le mouvement parce que de toute façon, on va se retrouver en pénurie si on ne bouge pas. Fait qu'en fait, ils ont devancé le plan. En fait, ils utilisent le plan de ces gens-là pour créer encore plus vite la pénurie, pour que les gens allument plus vite. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a un camionneur. Écoute ça. Il a filmé ça, le monsieur anglophone. Il s'en va porter quelque chose. Je ne sais plus dans quel entrepôt. C'est au Canada, mais je ne sais pas si c'est au Québec ou en Ontario. Je ne sais pas où au Canada. Il dit, j'ai 16 palettes, puis ça faisait 4 heures qu'il était dans une cour à attendre pour faire vider ses 16 palettes dans son camion de 25 pieds, là. Puis moi, je suis payé 1 heure et demie là-dessus. C'est tout. Le stock sort pas des camions, c'est très, très lent. Il revient à charge avec un autre chargement de ses. Il est toujours, ce monsieur charge toujours les mêmes choses, puis il ramène toujours les mêmes choses. 16 palettes, une semaine ou deux plus tard. Et là, il avait vu un jeune dans l'entrepôt, il avait dit, ça te tente-tu, toi, là? Veux-tu vider mon camion? Je te donne 20 piastres. Ça a pris 15 minutes, 16 palettes. Un exemple de comment ils boycottent la chaîne d'approvisionnement. C'est juste un exemple parmi bien d'autres, probablement. Donc, les camionneurs, Ben, attends une ça... minute, ce que tu me dis, c'est qu'il la vide plus lentement qu'il devrait. Il la vide très lentement, 4 heures, 15 minutes. 4 heures versus 15 minutes, c'est Ah, ben quelque chose. là, peut-être que c'est Et parce en qu'on plus, parle d'un employé syndiqué versus un autre qui prend de l'argent. Parce que tu sais très bien que si c'est un employé qui est syndiqué d'une chaîne, faut pas qu'il travaille trop vite, parce que sans ça, il va faire mal paraître les autres qui travaillent plus fort. Il y a ça aussi. ça se peut que ce soit un peu ça, mais tu sais, entre 4 heures et 4 heures d'attente, c'est parce que le gars, lui, il est payé juste 1 heure et demie là-dessus, là. Puis l'essence que ça coûte, puis tu sais, c'est comme il dit, à un moment donné, ils sont en train de nous tuer, pareil, dans notre industrie en faisant ça. Ça a des impacts sur eux, mais aussi sur nous, la chaîne de. Mais ça, c'est un exemple, pas si important, mais rigolo quand même. J'ai trouvé drôle de voir ça, la chaîne. Non, Mais non, c'est mais c'est pas, ça. ça me fait penser, ben, faudrait voir si la personne était syndiquée ou pas, mais des fois, en milieu syndiqué. Les camionneurs qui se sont levés jusqu'à présent. C'est des non-syndiqués de façon générale. OK, bon. D'ailleurs, les camionneurs du Québec vont se joindre à eux, mais ça a brassé, ça a l'air, parce que ça ne voulait pas se joindre trop trop, hein? Puis même encore là, parce que j'écoute les médias là, officiels ces temps-ci, puis alternatifs. Puis là, les médias officiels disent, ah ben, dans le fond, des associations de camionneurs qui sont contre ça, les mesures qui aillent à Ottawa là, manifester, puis ces choses-là. Dont le président du syndicat des camionneurs du Québec. Ça ne veut pas dire que ses membres sont contre. Ça veut dire que le représentant. Ouais. Savez-vous comment ça marche, les syndicats au Québec, les amis? Je vais vous expliquer quelque chose de très rapide parce que j'ai vu ça à Hydro-Québec, puis je l'ai vu ailleurs aussi, puis j'ai entendu parler dernièrement. Les délégués syndicaux dans les entreprises, par entreprise, il y a toujours un délégué. Mettons que la CSN est impliquée chez Desjardins. Je dis n'importe quoi, les amis, là. OK? Il y a un délégué syndical par section. Ces délégués syndicaux-là, deviennent disponibles à 35-40 heures semaine. Autrement dit, ils ne font plus la job pour laquelle ils ont été engagés par l'entreprise, mais ils deviennent délégués syndicaux à temps plein. Et qui paye ces gens-là, vous croyez, depuis 15 ans, 20 ans? Les employés avec leur cotisation syndicale, non? Non, c'est l'employeur. Ah! Et c'est pour ça que les syndicats ferment leur gueule présentement. Parce que les délégués syndicaux sont payés par les employeurs et non plus par le syndicat directement. Ça a été la façon qu'ils ont infiltré les syndicats. Tu vois, ça, je ne le savais pas. Ben, tant mieux, tu vas te coucher plus avant le soir. Passons au sujet suivant. Mais l'un des scénarios qui avait été amené, entre autres, par Stéphane Guy et Isabelle de Conscience du Peuple, Fonds Média Info Cité, que je trouve intéressant, il y a plusieurs mois, il parlait de la possibilité d'un bris de la chaîne alimentaire en obligeant que les gens aux États-Unis qui traversent au Canada soient injectés, notamment les camionneurs. Et ça, on dirait que c'est sur le point de se réaliser là, présentement. Ben, oui, c'est exactement l'intention. En passant, c'est parce que Trudeau, en mettant, comme par hasard, Monsieur Bidon, en passant, là, Biden, je ne suis pas capable de dire ça, je dis bidon ou bidet. Biden, là, il y a eu la réaction de dire, quand Trudeau a dit j'impose la vaccination aux gens qui rentrent et qui sortent de mon pays, autrement dit, les Canadiens autant que les Américains. Biden est venu, bien sûr, dire la même chose, mais le problème avec Biden, c'est que Biden a été débouté 3 fois dans les 4 derniers mois par les cours suprêmes comme anticonstitutionnel. Donc, les Américains n'écoutent pas bidon. Et les camionneurs américains sont à 55 % vaccinés seulement. Max, c'est gros max qu'ils disent, là. C'est gros max. Puis les camionneurs canadiens, quand ils disent qu'ils sont à 90 % vaccinés, vous venez de comprendre qu'ils sont probablement à 60-65 % gros max. Mais ce n'est pas là le problème, mon ami. C'est que il y a 360, le chiffre est peut-être pas bon, là, c'est entre 375 milliards et 425 milliards, je ne suis même pas capable d'écrire le chiffre, de produits qui partent des États-Unis vers le Canada. Donc, tout ce que vous avez dans votre maison, incluant le mangiare, en grande partie, vient d'eux autres. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver si les Américains ne viennent plus livrer ici? Parce qu'ils ne seront pas vaccinés pour nous, là. Pour le Canada. Oui, je vois ça, moi. Allez vous faire vacciner pour aller livrer aux Canadiens. Hey, fuck off, Chris. Fait que c'est ça le but de Trudeau. C'est pour ça que les camionneurs disent en faisant ça, ils venaient de scraper la chaîne d'alimentation. Et oui! Alors, pensez pas que c'est à cause des non-vaccinés. C'est parce Mais que c'est Trudeau est bidon en faisant ce qu'ils ont fait, ouais. crée la rupture de la chaîne alimentaire en imposant le double vaccin. Avez-vous idée, des amis, qui imposent une vaccination expérimentale à des gens? Expérimentale. Vous rappelez-vous à quoi ça a servi l'expérience en 1945 pour les Juifs? On veut-tu tout aller finir dans un fossé? Euthanasier? Comment, guys? C'est la même crise de méthode, là. Bien, ça respecte pas la loi de Nuremberg, là, suite justement là, aux expériences morbides qui ont été faites par les nazis là, sur les juifs, là. C'est ça que je veux dire. Puis, tu sais, une injection expérimentale qu'on t'impose quand on ne sait même pas les effets à long terme, ou même pas à court terme, Chris, sur 2 ans, ils ne sont même pas capables de te répondre. Hey! Voyons donc, faut être idiot pour accepter ça. C'est Vous ça. allez Puis voir si souvent, on, ils sont on, moins si idiots que d'autres, hein? on, non, mais en tout cas, c'est assez particulier. Mais si on prend les camionneurs en tant que tels, bon, ben, au-dessus de 90 % de ces gens-là ne côtoient pas des gens, sont pas au public, ne sont pas avec des clientèles vulnérables comme les infirmiers ou les préposés aux bénéficiaires, là. Ces gens-là sont tout seuls essentiellement dans le camion. Fait que pourquoi leur imposer ça avec autant d'insistance? C'est ça. Ben c'est parce que le but, c'est de briser la chaîne d'approvisionnement. Tout simplement. Puis d'affamer. Écoutez, on est en train de vous dire qu'ils cherchent à affamer le peuple. Ben À oui. quatre à terre, à genoux, là, à quatre pattes à terre pour qu'on vous le rentre dans le cul. Sans vaseline, idéalement. Excusez ma vulgarité, là. Mais c'est Parce que ça. moi, c'était que. Ben non, mais c'est parce que j'ai lu quelque chose sur Twitter que dire fuck Trudeau, c'était vulgaire. Hey, Chris, c'est quand. Bombarde, la bombarde qui nous traite de covidiots, des dentés, puis je sais pas quoi encore, et c'est pas vulgaire, ça, Ça, peut-être? c'est du deux poids, deux mesures. C'est dans le sens du narratif, tu peux persécuter les autres avec des propos extrêmement offensants, mais si tu ne fais pas partie du narratif, tu es vulgaire, tu as des propos haineux très facilement. Oh oui, puis c'est la seule façon de te faire fermer la gueule, c'est en t'accusant de quelque chose. Ben, c'est ça. C'est quand que c'est le narratif officiel, comme dans le fond, notre gouvernant ici, là, François Legault, on n'a jamais vu les études scientifiques sur lesquelles il s'appuie quand il tient des propos. Il n'a pas besoin de donner de preuves, mais moindrement, si quelqu'un va à l'encontre du narratif puis il présente des propos qui vont pas dans ce sens-là, ah, il faut que tu aies des preuves, et ainsi de suite. C'est tout le temps deux poids, deux mesures. Exact. C'est pas Julie Lévesque. En tout cas, je ne sais pas qui en a parlé, mais il y a eu une demande officielle au niveau de l'information. Tu sais, comment ça s'appelle, l'accès à l'information? Oui. Ah oui, je ne sais pas qui l'a fait la demande. Je crois que c'est Julie Lévesque. Elle a fait une demande d'accès à l'information pour avoir les études qui démontrent que le port du masque est efficace dans une pandémie. Elle n'a rien reçu. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, les amis. Rien du tout. Ben c'est ça, ça me Le masque surprend ne pas. protège pas. C'est un signe d'esclavage. C'est tout. Puis en plus, ça vous empoisonne au passage. On ne sait pas trop ce que ça fait sur votre gorge parce que dans le masque bleu qu'on porte, là, il y a plein de graphène là-dedans qui s'en va dans votre gorge, là, votre chakra. Ceux qui aiment l'occulte, tu sais, le chakra de la parole, la glande de thyroïde. Une fois qu'elle est foquée, qu'est-ce que vous croyez qui arrive? Changement hormonal, des caractères de marde. Les gens deviennent émotifs. La thyroïde, ça peut rendre vraiment très, très vulnérable émotionnellement quand tu es déséquilibré. Oh! Exactement. Pensez-vous que je suis paranoïaque? Probable. Mais Ça en tout va cas, loin, on va les voir gens. qu'est-ce qui va arriver avec les jeunes qui grandissent avec le masque au visage. Je ne sais pas si après les orphelins de Duplessis, on aura les orphelins de François Legault. Oh. Je veux dire, en temps de scandale là, par rapport à une génération qui est brisée, qui, dans le fond, est amenée à un état là, une forme de négligence. J'ai lu un article, là, ça va vous faire peur, les amis, là, que quand il y a un changement, tu sais, on dit souvent qu'à l'adolescence, la période est difficile, c'est pour des jeunes qui rentrent en conflit avec tout, l'autorité, ici, ça, parce qu'il y a un développement hormonal important, là, dans la La période de la puberté. préadolescence, adolescence, plus adolescence, où il y a OK. une, tu sais, vraiment une montée d'hormones. C'est là où il y a des profils psychopathes, psychotiques qui se développent des fois un peu parce qu'on est plus bourré d'hormones et d'émotions. Bon, on peut avoir des pensées suicidaires, des petites choses comme ça, tu sais, qui passent, ça passe, c'est temporaire. Imagine qu'ils n'ont jamais vu ça, mais là, ils commencent à avoir des enfants de 9-10 ans à avoir ces pensées-là. Non? C'est grâce au port du masque! Les enfants sont rendus. Fuck est bien raide, puis vous pensez que ça n'a pas d'impact, ça, là, là? C'est pour ça que je parle aux femmes du Québec, Chris, a enlevé ça de là. Oui, Des ben dans les coulisses, il circule ah. des informations, le fait que le taux de suicide chez les enfants a augmenté drastiquement. Dépression, détresse psychologique, troubles, en tout cas, problèmes de santé mentale aussi. Ouais, mais ça intéresse pas les Québécois, tu Non, mens. non, non. Ce qui intéresse les Québécois, c'est tout Aller chez simple. Costco, puis jouer à sa game, puis fumer son pétard. Excusez, je perds contenance dans ce temps-là. Disons qu'on n'a pas tous le même sens des priorités, mais je trouve ça Ouais. déplorable, là, la situation qui se passe présentement. Excusez-moi, mais là, rendu là, moi, je me tais, là, parce que je n'ai plus de mots. Je ne sais plus quoi dire, tellement je trouve ça stupide à un moment donné. Mais là, regarde bien le scénario avec les camionneurs, c'est que s'il y a une pénurie d'alimentation, etc., de médicaments, si ça arrive, ils vont chercher à les accuser puis diaboliser en disant c'est la faute des non-injectés encore une fois si on manque de biens pour les ostraciser encore plus. C'est sûr, il ne faut pas faire changement. Ça fait 6 mois qu'ils essaient de nous mettre sur le dos le problème. C'est ça. C'est à cause de nous que le système de santé est déficient, les non-vax présentement. Ça fait rien que 25 ans qu'on se fait chier avec. Mais c'est à cause de nous. Puis le monde est assez épais pour croire ça. Mais franchement, là, si je monte au niveau occulte et je passe la commande d'éliminer ce monde-là, moi, j'étais écœurée. Excusez-moi, là, moi, j'étais écœurée. J'étais écœurée de voir aussi que le Cro-Magnon règne sa planète. Mais c'est fini, là, je vais être contente. Je sais que c'est la fin de ça qu'on voit. Mais là, on voit ça très condensé. Merci, là. Ça va faire les Cro-Magnons, là. Bye-bye, la quatrième race racine, cinquième. Si j'y pense, je m'en calisse en passant. Moi, je m'en fous de mourir si je fais partie de ça. Parce qu'on va, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de morts sur la planète. On va avoir beaucoup à contenir dans l'avenir. Beaucoup. Oui. Il va y avoir beaucoup de traumatismes. Il va y avoir beaucoup de gens à relever. Tu sais, fait que oui. Mais on se dépend d'un gros morceau, puis tu sais, on peut voir l'utilité de ça à large, là, il faut le regarder d'un plan vraiment large. Mais ce qu'on a à contenir, nous, individuellement, puis les gens très sensibles, qui ont, tu sais, on a développé une grande sensibilité, les gens qui sont en contact avec leur supramental ou pas, là, il y a un contact qui est bien établi, qui se travaille. On est très sensible. Ça va être dur, regarde. Moi, je trouve ça dur, moi, de voir les enfants là, avec le masque en face dans les cours d'école. Je suis pas capable de regarder ça. J'ai des larmes qui me coulent instantanément dans les yeux, là. Je le dis, puis je vais broyer. Il y a toujours même des maudites limites Il ne faut pas que je parle de ça, je te dis, genre, Non, non, les mais enfants. je te comprends parce que C'est pour moi, terrible ce c'est qu'on fait ça. vivre aux enfants. Regardez, là. Je suis pas astralisée, Chris. Pensez pas ça. Je sais quand je suis astrale. Terrible ce qu'on fait vivre. Arrêtez ça. Non, non, c'est sûr que c'est horrible. Puis pour moi, quand que je vois ça, c'est que ça me ramène une espèce de sentiment d'impuissance par rapport à une maltraitance. C'est comme si j'étais témoin d'un viol, puis je peux rien faire, tu sais. C'est ça qui est dur à contenir pour des gens lucides. Un viol de nos enfants à tous les niveaux que ces hosties de gros cochons passent à travers l'esprit humain parce qu'on n'est pas l'esprit, à travers l'humain parce qu'on n'est pas conscient. Exactement, parce que tu sais, Jean-Jacques Crèvecœur, il y a des gens qui disent ah, il est un peu fort quand il parle, mais lui, il comparait ça à un viol de l'intégrité biologique, de se forcer d'être pénétré par une substance qu'on ne connaît pas les impacts. C'est tout à fait ça. Il a raison. C'est ça qui est triste de voir ça, puis qu'on laisse faire ça parce qu'on a peur. Juste parce qu'on a peur. On a peur de quoi? Qu'est-ce que vous croyez qui peut arriver pire que ça, Chris? Plus de liberté, puis des enfants malades avec des foulards d'en face à l'année longue, puis on n'a plus le droit de penser? Tabarnak! Qu'est-ce que vous voulez de plus, esti? Une On est pénurie alimentaire, puis des les gens gens meurent avec de faim. des esti? Non, non, mais si on y va avec la pente fatale, on pourrait dire que ce qui pourrait être encore pire, c'est une pénurie alimentaire avec le bris de la chaîne d'approvisionnement. Le Québec ne sera pas jamais en pénurie alimentaire. On est assez riche pour les fermiers. Ça va se mettre en collaboration. Ça va virer en coopérative alimentaire. Il y a plein de... Moi, je me suis fait donner deux douzaines d'œufs de gens qui ont des poules dans leur maison la semaine passée. J'ai trouvé ça tellement gentil. Je dis, ben, faut... hey, c'est bon des œufs de poule, les amis, à bon sens. Je niaise, parce que vous allez me dire que c'est toutes des poules qui accouchent d'œufs, là. Mais en tout cas, ces poules-là, ils sont vraiment des petits œufs, ils sont super bons. Mais tout ça pour te dire, je ne suis pas inquiète pour la chaîne alimentaire au Québec. Les gens vont se mettre à bouger. Les fermiers existent encore au Québec, hein? Il y a encore plein de choses qu'on. Oui. La pénurie complète, non. OK. Mais en passant, ils ont dit qu'ils ne bloqueraient pas la priorité. C'est pas tout bloqué, là. Ils sont pas cons, les camionneurs. Ils ont pensé à leur plan. Comme ils ont. À Ottawa, ils laissent une route, toujours une voie de circulation pour les véhicules. Ils cherchent pas à vous emmerder, là. C'est pas le but, mais ils cherchent à faire tomber les mesures sanitaires. Puis pour ça, il va falloir accepter de payer le prix une couple de semaines. C'est tout ce qu'ils vous demandent, hein. Une couple de semaines qu'ils ont dit de stock alimentaire, de prévoir une couple de semaines. Ça fait peut-être une couple de mois, mais tu sais, qui n'a pas. La plupart des gens ont une capacité de se dépanner une couple de mois alimentairement. Non, c'est ça. Ben, de toute façon, ce que C'est je pas majeur, ça. c'est ça. Mais en même temps, ben, il y en a qui disaient qui sont prêts à tenir leur position puis à manifester tant aussi longtemps que Trudeau n'aura pas juste renoncé par rapport à l'obligation de l'injection pour franchir la frontière, mais toutes les mesures. Non, non, non, les camionneurs sont pas. Non, non, les camionneurs, ils l'ont très précisé clairement. Plusieurs groupes, dont Pat Kane, qui est l'organisateur, ils sont pas là pour l'antivax. Ça, c'est ce que les journaux vous disent. C'est pas ça. Ils sont là pour faire tomber toutes les mesures reliées, all mandate, tous les mandats reliés à l'urgence sanitaire. Donc, c'est passe vaccinal, puis tous ces paquets-là. Là, ils ont compris, eux autres, depuis longtemps aussi, que la vaccination, c'était pas l'enjeu majeur, c'est la passe. La petite crise de code QR passe, machin, là. Ouais. Alors, c'est sans compromis, ils l'ont dit, ils l'ont bien clairement dit, on partira pas d'ici tant qu'on n'a pas eu gain de cause. Puis s'ils veulent nous déplacer, on s'enchaîne tous l'un dans l'autre ensemble, puis bonne chance pour nous déplacer. Même les camions ne Exactement. seront pas déplaçables, mais les autres vont être en prison. Je blague, je ne sais pas ce qui va arriver, je sais pas. On verra. C'est ça, mais il peut y avoir quelque chose de spectaculaire qui arrive, un peu comme en Angleterre avec Boris Johnson, Ouais, quel qui, revirement, hein? oui, ça a été un revirement spectaculaire parce qu'il a fait tomber toutes les mesures là, depuis jeudi dernier, là, que ce soit le passeport, le port du masque, puis tout ça. À peu près une semaine d'intervalle, parce qu'il était impliqué dans un scandale où il avait déclaré que les gens, pendant le temps des fêtes, ne fallait pas qu'ils se réunissent, qu'ils évitent les contacts, etc. Puis il a été pris en flagrant délit par des journalistes en Angleterre qu'il s'était réuni avec des personnes, il a fait une fête, tu sais, puis avec plusieurs personnes impliquées. Fait que, comme il ne respectait pas lui-même les mesures, il a eu l'air fou. Puis pour essayer de sauver la face, ben à ce moment-là, ben il a dit, on fait tout tomber les mesures. Ouais. Je savais pas l'histoire de Boris, là, parce qu'ils vont tous tomber de même pour toutes sortes de raisons. Trudeau, il va tomber pour un scandale lié à de l'uranium ou des affaires de même. Moi, je pense que c'est une façon de sortir de là. Je sais pas trop comment dire ça. Je sais pas. Mais ce qui va être intéressant de voir, ça va être dans les prochaines semaines, les prochains mois, par rapport à l'Angleterre. Tu sais, s'ils enlèvent toutes les mesures, est-ce que le nombre de cas et de morts va augmenter drastiquement? Tu sais, ou... C'est une question que tu poses, David? Ben, c'est une question, mais en même temps, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ça augmentera pas, puis les gens vont se rendre compte que finalement, qu'il y ait des mesures ou pas de mesures, ça change pas grand-chose, un peu comme le Québec puis la Suède. La Suède avait mis moins de mesures au fil des 2 dernières années, puis finalement, si on compare 2 populations à peu près similaires, donc à peu près à 8 millions, bon, ben, on a des résultats similaires. Bien, je crois que ça s'inverse présentement, par exemple, parce qu'on a plus de cas de COVID, de cas ici, puis de gens malades qu'il y en a en Suède présentement. Ça s'est inversé, moi, je pense, si j'ai bien compris, là, les courbes se sont inversées. OK. De plus en plus, les pays injectés comme Israël sont de plus en plus une problématique, tandis que des places comme la Floride, il n'y a plus de problème. Le virus, ça disparaît avec l'immunité collective, mais quand on continue à injecter, on stimule le virus à se muter puis à devenir un autre problème. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est dans la vaccination qui est la stimulation Les pour améliorer vecteurs de l'immunité. propagation des variants, parce que plus que tu vaccines les gens contre un virus, plus ça favorise l'émergence des variants, là. Ça, l'ARN, c'est de l'ARN, ces virus-là. Ça a une forme d'intelligence, ça s'adapte. Puis ça s'adapte pas mal mieux que l'humain, fait que attachez votre sucre. Puis plus on fait. C'est ça le scandale. Plus on vaccine les gens, plus les mutants se développent. Puis Mais ça me fait penser à l'utilisation d'antibiotiques. C'est-à-dire que plus qu'on utilise une sorte d'antibiotique, plus que ça amène la bactérie ou le virus à muter, à changer, puis ce qui fait que l'antibiotique devient moins efficace avec le temps. C'est exactement la même chose. Il y a des. Moi, j'ai un fils en pharmacie qui a fini comme pharmacien cette année-là. Puis il me disait il a étudié pendant les 2 dernières années les effets des huiles essentielles sur le corps humain parce que les antibiotiques ne fonctionnent plus pour la plupart des maladies, parce qu'il y a eu surutilisation pour les bactéries, traitement de bactéries. OK. Hein? Puis c'est pour ça aussi qu'ils cherchent à tuer la naturopathie pour se la récupérer, ces crises-là. Bon, j'ai encore dit quelque chose de pas fin, moi, Chris. Non, non, mais c'est sûr qu'il y a une réalité que si le complexe pharmaceutique, dans le fond, a plus les résultats escomptés avec des produits chimiques, ben ils vont se tourner vers d'autres choses, là. C'est ça. Puis encore, excusez-moi, est-ce que je dois mettre quelque chose? Oui, c'est ça. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils récupèrent un petit peu la médecine douce avec les huiles essentielles. C'est une grosse section, les huiles essentielles dans la naturothérapie. Puis. Ça fonctionne en grande partie. Moi, j'ai une huile là, antibactérienne, ce qui est génial. Franchement, j'enseigne ici avec du monde. Tu sais, j'ai au moins une quarantaine de personnes qui passent dans mon studio depuis 10 ans, puis par semaine, je veux dire. J'ai jamais eu d'infection de rien, ni même tu sais, des petits ongles, des gens qui ont des trucs sur les pieds. Oui. Ça marche bien, les huiles essentielles. Mais bref, on a-tu fini avec la maudite pandémie? Ben, c'est comme un sujet sans fin. Puis, tu sais, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu tellement de rebondissements. Tu sais, c'est quasiment théâtral. Moi, je disais à ma compagne, j'ai l'impression d'être dans un film. Il y a le film là, avec Bill Murray, là, Le jour de la marmotte. Là. C'est-à-dire qu'il y a un an, presque jour pour jour, dans le temps des fêtes, au début, il disait ah, vous allez pouvoir vous rencontrer dans le temps des fêtes. Donc, à fin 2020, puis en 2021, c'était un petit peu le même principe. Finalement, le nombre de personnes diminuait, puis finalement, c'était zéro. Fait que c'est exactement la même chose. Tu sais, pendant le temps des fêtes 2020, 2021 ou 2021-2022, on s'est ramassé encore une fois qu'un couvre-feu. C'est que celui-là, il n'a pas passé. Première erreur la plus grosse erreur de notre ami Legault, ça. Oui, donc c'est une erreur stratégique importante qu'il a faite. Mais quand que je regarde la séquence des événements, au début du mois de décembre, ah, vous allez pouvoir vous rencontrer 20 personnes. Puis après ça diminue à 10. Puis finalement, pour le nouvel an, à zéro. Ou une personne seule parce qu'elle a le droit, là, mais ou un aidant naturel. Mais puis moi, ce qui m'a surpris, c'était vraiment le 30 décembre, à une journée avant le premier de l'année. le jour de l'an, alerte rouge, comme une alerte en vert qui est apparue sur les téléphones intelligents, les télévisions en même temps, qui disait, là, vous ne pouvez plus sortir là, entre 10h le soir et 5h le matin. Là, puis, tu sais, ils mettaient ça grave pour empêcher les gens qui fêtent le nouvel an là, dans ce coin-là. Oui, puis en plus, là, ben ça, si on le regarde individuellement, c'est choquant parce qu'on se retrouve un peu tout. Moi, je me suis retrouvée à faire un party de nouvel an que j'avais prévu, bien tranquille, avec du monde qui s'était fait sacrer dehors de le party, en tout cas. Bref, mais ce que je voulais dire, c'est quoi? J'ai perdu le fil. Non, ça vient de couper, excusez. Il n'y a pas de problème. On va recréer la connexion de vitesse avec le double. Donc, je parlais de quoi? J'ai vraiment perdu le fil. Party de nouvel an. Des festivités du Nouvel An, parce qu'eux autres, le gouvernement... Moi, ce que j'ai trouvé vraiment singulier, c'est, je me suis dit, les restaurateurs vont tous perdre leur stock. Ben oui. Les tabarnaks. C'est la période la plus payante pour les restaurateurs. Venez pas me dire, Chris, qu'ils essaient pas de tuer une industrie, nous, quand ils font ça. Ils savaient ce qu'ils faisaient, là. À deux jours de préavis, le 30, en vue du 31 au premier... Des restos ont commandé pour l'achalandage ben qui n'était plus, tombe à l'eau, bang! Pour une deuxième année. Oui. Très intelligent, notre logo, mais c'est là, j'espère que les restaurateurs vont avoir compris qu'à demander le code QR aux clients, c'est de la connerie. Puis que là, ils devraient peut-être être capables de se lever, s'associer ensemble, puis dire c'est terminé. Il faut arrêter d'appliquer ce qu'ils nous demandent. On est le bras de l'exécution de ces gens-là. Un exemple. Je m'en vais faire une mammographie il y a 2 semaines. C'est un petit exemple, là, de ne pas participer à leurs affaires. Je m'en vais faire ma mammo, l'infirmière super gentille, et aller pencher sur sa feuille. « Bonjour! » Elle ne me regarde pas pantoute. « Bonjour! » que je réponds. Moi, j'attends. Elle dit « Bon, puis-je savoir si vous êtes vacciné? » Exactement, c'est eu la réponse qu'elle a eue, c'est exactement le silence que vous voyez là. Mm-hmm. Elle est penchée sur sa feuille, elle lève la tête, elle me dit « Avez-vous compris ma question? » J'ai dit « Je crois que c'est vous qui n'avez pas compris ma réponse. » Oui, c'était cute. Quand je suis sur le contact puis que j'agis là-dedans, je trouve ça bien intéressant. Je suis témoin de ce qui se passe, je trouve ça le fun. Je dis « Ah! » Mais je dis « Madame, vous n'avez pas vu ma réponse. Vous n'avez pas compris ma réponse. » Elle dit « Êtes-vous vaccinée? » Deuxième silence. J'ai dit, est-ce que vous pouvez passer à la question suivante? Elle a dit, vous voulez pas me répondre? J'ai dit, ça vous concerne pas, madame. C'est quoi le lien? Puis là, ça fait de la poésie quand je suis sur le contact, c'est drôle au bout. J'ai dit, c'est quoi le lien entre la vaccination puis mes totons? Puis je pars à rire. Elle dit, oui, effectivement, c'est quoi le rapport? Elle dit, c'est le protocole. Ouais, mais j'ai dit, le protocole, vous savez, il faut peut-être s'en passer. Là. Je réponds pas à cette question. Elle met un point d'interrogation à côté. Bien, tu as bien répondu parce qu'apparemment... C'est pas de ses affaires. Bien oui, c'est ça, c'est pas de ses affaires. Puis là, on parle de la possibilité que dans les prochains jours, un peu comme les témoins de Jéhovah autrefois, il y aurait des membres du gouvernement qui feraient du porte-à-porte pour demander aux gens s'ils sont injectés ou pas. Puis, il y a des lanceurs d'alerte qui disent « Répondez rien, parce que si vous répondez des choses, ça va être retenu contre vous dans l'optique de dire que vous êtes des problèmes de santé mentale pour psychiatriser les gens qui veulent pas être vaccinés, pour les amener à être vaccinés de force en disant « Ils n'ont pas toute leur tête, puis pour leur bien, on va les injecter de force. Mm-hmm. » Exactement. Je crois que c'est une rumeur qui est assez forte. Bon, en tout cas, pour l'instant, moi, de toute façon, quand quelqu'un je connais pas sonne à ma porte, je réponds jamais, mais ça changera pas. Puis je suis pas très sociale. Moi, quelqu'un qui vient me sonner à la porte quand je le connais pas, qui soit témoin de Jéhovah, je réponds pas. Je regarde par la fenêtre, je regarde toujours c'est qui, puis je connais pas, je réponds pas. J'ai un triplex, hein. Fait que ça peut sonner sur 3-4 appartements. Vous m'en calisse. Je m'en occupe pas. Ils m'ont appelé, moi, je sais plus quelle manière de poser des questions. J'ai dit, je réponds à aucune de vos questions. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Ben, ça serait la meilleure chose à faire parce que tout ce que tu peux dire peut être retenu contre toi. Oui, mais ce que je veux dire aux gens, c'est que premièrement, vous n'avez pas à parler de votre statut vaccinal à tout le monde. Ça concerne personne, premièrement. Deuxième chose, ça m'est arrivé aussi quand je suis allée en dermato cette semaine. Ça faisait longtemps que j'attendais pour un rendez-vous de dermatologie. J'ai des petites taches en vieillissant qui apparaissent. Je voulais m'assurer que ce n'était pas cancéreux. Même maudit protocole. Mais là, c'était drôle au bout, parce que c'est un autre type d'endroit. Puis les secrétaires étaient super fines, puis les comptoirs sont hauts. Je sais pas, quand tu arrives au comptoir, puis rien que tu vois juste être en bas de la poitrine, le comptoir. Là. Mm-hmm. Puis là, la dame, elle me dit « Bonjour, Madame Hébert, vous avez rendez-vous? » Oui, j'ai dit « C'est bien moi. » Puis là, elle me demande, elle dit, êtes-vous vacciné? Puis moi, là, tu es pas en train de faire un grand battement, ma jambe qui lève bien haut. Je te dis, ils me font faire le clown des fois. Je lance ma jambe dans les airs, ça part tout seul. Puis je me tourne vers elle, puis je dis, je pense que je suis en bonne santé, moi, hein? Elle dit, Colline, vous êtes en forme, là, madame? Alors, elle a oublié complètement sa question, tellement c'était fou ce que j'ai fait. C'était drôle, là, en fait. Puis je suis allée m'asseoir, elle a oublié sa question. J'ai jamais répondu, j'étais vaccinée ou pas. Je réponds pas à ça, moi, de toute façon. C'est pas de vos affaires. Au pire, c'est ça que je vais répondre. Ça ne vous concerne pas. C'est privé. Non, exactement. Puis, tu sais, c'est supposé être une donnée confidentielle. Or, quand les gens, dans le fond, fréquentent un restaurant, une salle d'entraînement, puis ils se font demander ça à tout bout de champ, il y a un abus à ce niveau-là qui est fait, là, tu sais. Puis ça peut amener des dérapages, parce que là, après ça, là, on parle du statut vaccinal, mais à un moment donné, ça pourrait être sur d'autres choses, là, tu sais, si la personne a le sida, son orientation sexuelle, toutes sortes de choses. Ben, tu sais, des fois, les gens ils me disent, ah, oh, mon, t'es-tu anti-technologie? Je dis non, je suis pas anti-technologie, mais je suis pas née d'hier, puis je suis malheureusement plus naïve. Alors, c'est qui mène la technologie? C'est mon problème, il est là. J'ai pas de problème avec plein de technologies qu'on pourrait améliorer notre vie, mais c'est parce que c'est contrôlé par qui et pourquoi? Cherchez Exactement. l'argent, vous allez trouver la réponse, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai rien contre la technologie, mais présentement, de la façon dont ça se passe, je suis portée à la fuir. À fuir tout ce qui est technologique, parce que c'est un outil de contrôle clairement qu'ils sont en train d'engager envers l'humain. Puis d'abus de pouvoir, c'est clair, là. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce qu'ils peuvent faire avec les 5G, là. J'ai vu des affaires, ça fait peur, les amis. Là. Ils peuvent cibler un groupe ethnique très précis puis les faire tomber à terre à partir du 5G comme ils veulent. Autrement dit, ils peuvent décimer des populations aussi. Dans le temps de le dire avec le 5G et la vaccine, là, je ne sais pas trop c'est quoi le lien. Là. Une puce biologique. Oui, bien, qui peut être Tu activée à distance comme une technologie. Tu sais, tu peux activer une TV qu'on dit intelligente à distance, puis elle peut avoir accès à Internet sans être connectée par un câble. Bon, ben un être humain, ben, un peu comme une radio qui rentre en résonance avec certaines fréquences. Tu sais, les radios à cristaux, bon, ben un petit peu le même principe. Tu envoies une certaine fréquence, l'individu le capte, puis il y a une réaction en lien avec ça. C'est ça. Mais ils en ont parlé. J'ai même pas une blague ce que je vous dis. L'autre fois, j'ai lu dans le journal de la presse, je crois, un grand titre, là, genre qu'aux États-Unis, la puce biologique existe. La puce biologique. De quoi ça a l'air, une puce biologique? C'est une puce cellulaire? J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, une puce biologique? Ils ont mis le mot biologique comme par rapport, parce qu'une puce, ça peut pas être biologique, Chris, là, à moins que ce soit un puceron. Ben, ça J'ai dépend. Ça un dé... petit puceron dans mon jardin. Ouais, c'est ça. Mais moi-même, ça m'échappe parce qu'on parle d'ordinateurs biologiques aussi qui existeraient. Tu sais, il y a des ordinateurs, bon, avec le système binaire, le système quantique, mais il y aurait des composantes biologiques pour l'entreposage de données. Mais je suis un petit peu Oui, dépassé là. j'imagine qu'il nous manque un peu comme le chaînon manquant de l'évolution de la race humaine. Il me manque un bout là parce que je pense qu'ils ont beaucoup d'avances technologiques sur nous aussi qu'on ne connaît pas. Fait que c'est quoi que je pose la question? C'est ça? Il dit ouais, c'est ça. Ils ont beaucoup d'avance sur nous. Ils ont des technologies qu'on ne connaît même pas. Puis... Bien, avec le reverse engineering en relation avec des crashs d'ovnis ou de vaisseaux spatiaux qui auraient eu cours au fil des décennies, bon, bien, il y aurait la possibilité qu'il y aurait des technologies que on n'est même pas capable de penser ou d'imaginer qui existeraient là. C'est ça. Mais c'est ce qu'on va tout voir apparaître éventuellement. Il y a plein de choses qu'on va voir apparaître dans les 30 prochaines années. Les technologies, ça va aller vite. Il va y avoir toutes sortes de choses intéressantes qui vont se passer. Ça me fait penser à mon fils. Je me dis, au moins, il va avoir un avenir intéressant un peu pour petit. Bon, hey, on est encore dans les mesures de tout ça, mon cher David. On Oui, voulait juste essayer mais d'amener c'est tout un ça. événement mondial, dans le fond, qui se produit avec la crise sanitaire. Puis moi, j'ai l'impression qu'au niveau historique, on est à un tournant présentement au Canada. Oui, Et dans le monde, c'est un tournant historique mondial, David. exactement. Fait que moi, je trouve ça plus intéressant à commenter que de parler de sujets, plus à caractère occulte, comme, bon, la vie après la mort, la réincarnation, puis ces choses-là, tu sais. Ben moi, ce que je trouve intéressant, mais je peux continuer. Il y a quelque Oui, chose que j'ai bien sûr. compris aussi parce que les gens me questionnent beaucoup. Ben là, mon nom, là, quand on est intelligent, on ne se mêle pas de ça, on est neutre. Ouais, je dis, OK, je peux le regarder ça un peu. Puis j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Il y a une évolution sur la planète, l'éveil qui se passe sur la. On dit que ça ne se passe jamais dans le collectif, l'éveil. Excusez-moi, là, je vais faire une petite nuance à ça, moi. Je ne parle pas d'éveil supramental. Dans ce qui se passe pour moi dans le présentement sur le globe, l'éveil dont on parle, à peu près 30-40 % de la population mondiale qui se relie là, entre eux, c'est réellement énergétique en passant. Ça, pour moi, c'est un saut dans le monde spirituel de la plus haute spiritualité. C'est comme si on avait flotté dans le bas astral pendant 2500 ans, là, dans tout ce qui est merdeux, là, genre Lucifer, anti-ci, puis anti-ça, puis je ne sais plus trop toutes les sectes occultes de merde qu'il y a sur la planète. Ça, c'est ça qui tombe, fait qu'on monte en niveau, spirituellement parlant, la planète monte en énergie. C'est ça. On sait que pour pouvoir passer dans des plans supérieurs comme le supramental, on a un petit territoire spirituel à nettoyer. Puis... Donc, la planète, pour moi, passe à ce niveau-là, à un niveau supérieur. On pourrait discuter pendant des heures de quel niveau, là, mais pas la question, ça la change la vibration dans ce sens-là. Mais il y a aussi l'individu là-dedans qui, comme toi, d'autres et plein de gens qui écoutent ces réseaux de supramental un petit peu, on a un travail différent. Nous, on intègre, pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui intègrent de plus en plus le plan systémique qui est supramental, le mental supérieur qui est relié au plan systémique. Ça, c'est individuel, c'est clair. Mais quand on dit individuel, ça ne veut pas dire qu'on ne vit plus dans la société, les amis. Faites bien attention à cela. Non, exactement. Ça va vous appauvrir, vous mettre dans marde. Il faut être intelligent dans le social. Aussi. Ben oui, il faut être capable de composer avec le collectif, là, tu sais. Oui, comprendre ce que le collectif intègre. Ben Pas oui. juste. Parce que moi, j'aime pas trop l'attitude des fois des gens que je vois qui se pensent supérieurs parce qu'ils sont plus, ils se pensent plus intelligents que la masse. Eh oh, on se calme, les amis, nous. Oui, peut-être, mais ça ne donne aucune qualité de plus. Ça ne donne pas plus le droit de chier sur le cul de l'autre. Les gens qui pensent, il y a des gens qui se pensent intelligents, là, puis qui se permettent de juger ce qui c'est de la planète, tu sais, il y a un petit peu ça, c'est la Oui, il y a planète. une attitude condescendante, On se calme. méprisante. Mais ça, c'est se faire charrier en esti, si tu veux, mon Ben oui, ami. ben parce qu'il y a un orgueil spirituel qu'ont certaines personnes à leur insu, qui leur donne l'impression qu'ils sont au-delà de la masse, puis que la crise, ça les concerne pas, tu sais. Ben, ils vont avoir une petite surprise dans 6 mois, un an. Je l'ai dit. 2022, avant qu'on ouvre l'antenne, je t'ai dit, j'ai dit à David, j'ai dit 2022 au tarot de Ménard, c'est 6. Le 6, c'est le choix égale le doute. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez vivre énormément, ceux Je veux qui ont juste te pas. clarifier aux gens parce que 2022, quand tu dis 6, c'est parce que tu additionnes 2, 2, 2, 3 fois 2 qui donne le chiffre 6. Au tarot de Daniel Ménard. Hein. C'est un tarot qui est un petit peu plus évolutionnaire que le tarot traditionnel. Là. Je l'ai étudié beaucoup, j'ai travaillé avec ça, c'est comme ça que j'ai travaillé beaucoup mon contact au début. Ceci dit, oui, 6 au tarot de Ménard, le mot-clé, c'est le choix. Mais le choix, quand on sait très bien qu'on n'a pas de choix, ça sous-tend le doute. Il y a des gens individuellement qui vont prendre conscience qu'ils n'ont pas de choix, clairement. Ça règle la question. C'est quand les gens pensent qu'ils ont du libre arbitre, c'est pas si simple que ça. C'est pas réel, ça, pour l'instant. On n'a pas de libre arbitre. Soit qu'on est bossé par l'astral, soit qu'on est bossé par l'entité mentale, mais on est bossé pour l'instant. En tout cas, pour la plupart Mais d'entre nous. concrètement, si on ramène ça, l'année du doute, est-ce que, si on le prend par rapport à l'un des enjeux internationaux, là, qui va rejoindre non seulement les Canadiens, mais aussi des gens en Europe, là, parce qu'il y a des gens de la francophonie Le qui choix m'écoutent. que les gens devront faire planétairement, c'est un peu ce que je t'expliquais, David, là, c'est que planétairement, il y a un changement de vibration, les gens montent en vibration, la planète change de vibration. Donc, qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'auront pas fait la, entre guillemets, pris la décision de suivre le mouvement? Ben, Vibratoire. bye-bye, là, tu Ben, sais. c'est parce que ça, en lien avec ça, moi, ce que je vois, puis tu n'es pas obligé d'être d'accord, c'est que l'année 2022, ça va être une année où ce que la division, la dualité va s'accentuer entre ceux qui sont considérés comme étant adéquatement injectés, vaccinés, puis les non-vaccinés. La polarisation sociale entre les deux groupes va augmenter, j'ai l'impression, là, dans les prochaines semaines encore. Est-ce que la polarité va augmenter entre les vaccinés? Non, c'est pas entre les vaccinés que ça va se passer. Entre les Mais vaccinés et non vaccinés. il semblerait que c'est pas, OK. c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas relié au vaccin. Ah. Parce que ça va tomber, ça. Ça marchera pas. Dans 2 mois, c'est fini avec Silencieux, on n'en parle plus, là. Ben, Deux, on pourra trois s'en reparler par contre dans 2 mois. mois. On en reparlera, les amis. Ça m'intéresse, moi C'est aussi, ça, mais parce que moi, je vais faire le suivi avec toi, parce que tu te rappelles, il y a plusieurs mois, on avait parlé de Donald Trump, puis j'étais d'accord avec toi, vibratoirement, je te suivais à l'effet que, regarde, il y a eu il fraude s'en vient. électorale. Il s'en vient. J'ai dit 2022, Trump. On a encore toute l'année. Il va revenir au pouvoir, je vous le dis. C'est déjà commencé. T'as pas vu le Wisconsin? Le Wisconsin a fait le recomptage. C'est sorti il y a 2 jours, là. Ils ont recompté tous les votes. Ils ont éliminé tous les votes par la poste. Ils ont gardé que les bottes de urne. Autrement dit, les urnes sont plus safe que tout ce qui est poste et Oui, qui peut être électronique. plus facilement trafiqué, là. Ça. Fait, comme ils ne pouvaient pas juger de ce qui était par la poste parce qu'ils savent qu'il y a eu fraude, ils en ont les preuves, ils ont vu, les machines, ils ont disjoncté. Fait qu'ils ont dit, OK, on va reprendre le calcul sur les urnes. Ça a sorti il y a 2 jours, là, les 10, comment on appelle ça, les candidats, ils ont, comme par État, ils ont un Les nombre grands X de électeurs. électeurs, c'est ça. Oui. Wisconsin, il y a 10 grands électeurs qui viennent d'être mis en congé. Les 10 démocrates élus sont plus élus. Bye Mais pendant ce bye. temps-là, Biden est toujours au pouvoir. Il y a 4 États qui sont en train de faire la même démarche. Ils sont en train de perdre le pouvoir complètement du Congrès et du Sénat. Ça va devenir républicain. Puis là, ils vont sortir la fraude extérieure après ça. Check back. Je te le dis, 2022, Trump revient, mais je n'ai pas changé d'avis là-dessus, les amis. On verra bien. Ça va Je être ne reviens pas, je m'en sac en Comment? J'ai dit, s'il ne revient pas, je m'en fous, ben, je ne veux pas avoir raison. Mais ce que je vois, c'est que ça se place. Ça a pris plus de temps que ce qu'on voudrait, mais c'est ça, c'est à cause de l'éveil des gens. Il faut que les gens s'éveillent. Faut pas créer de psychose sociale trop forte puis de chaos. Il faut que les gens s'éveillent. Puis là, les Américains commencent à avoir compris la game. Ça commence à être solide, là. En tout cas, les Canadiens semblent commencer à s'éveiller. Les manifestations d'Ottawa, là, que moi, je m'attendais pas à ce qu'elle allait avoir autant de monde, là. Toute beauté, le Oui, mouvement. exactement, là. Par contre, comme tu le disais, il y a un éveil à un certain niveau, mais c'est pas un éveil dans le sens de quelqu'un qui passe à la conscience supramentale, là. Non, ça demeure totalement individuel. Puis je pense qu'une fois qu'il va y avoir assez d'individualité sensibilisée au supramental ou à intégrer le supramental, c'est ça qui va polluer la chaîne après, plus tard D'une par le manière fond. virale. Oui, c'est ça, c'est Donc, vraiment. ça sera pas un virus de corona, ça va être un virus d'une conscience nouvelle qui va se transmettre de manière vibratoire. C'est ça. Pour les 30 prochaines années, je pense que c'est ça qu'on va voir s'implanter, mais la planète doit monter en vibration parce qu'on le sait que l'énergie supramentale ne peut pas descendre à un certain niveau. Trop bas, ça ne marche pas. Ça prend un mental plus évolué, un mental inférieur, je parle là. Ouais, c'est Donc, ça. Puis pour ça prend des chocs de vie. Fait que là, c'est sûr que là, les gens qui vivent des chocs présentement parce qu'ils perdent des commerces sont sur le bord de la faillite, ça crée des tensions qui sont propices à des descentes d'énergie inversement proportionnelles. tout à fait. Puis, je parle beaucoup avec des gens en coaching ces temps-ci qui vivent beaucoup de tensions comme tout le monde, là. Oui. Puis je dis tout le temps, pour les gens qui sont dans le supramental, s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans ce que je dis, moi je dirais, je trouve que c'est un bel exercice pour prendre contact avec ce qu'on a de plus beau en nous, que moi j'appelle notre source originelle. C'est merveilleux comme occasion pour rentrer en contact avec ça. C'est vraiment le temps. C'est dans l'épreuve. Il n'y a pas de développement de conscience sans résistance. C'est pour ça que je ris des fois quand j'entends le monde me dire j'ai souffert toute ma vie de grosses affaires, mais il n'y a pas grosse souffrance. Pas chanceux celui qui ne souffre pas beaucoup. Je suis désolée de vous dire ça, c'est de même que ça se passe ici. Mais C'est-à-dire qu'il n'est pas chanceux dans l'optique d'un passage à un autre niveau de conscience. Par contre, ça peut lui donner un plaisir de vie relatif. ben, je pense que les gens doivent vivre des plans de vie différents parce que sinon on se tirerait toute une balle si on était tous en initiation solaire en même temps, pas ça? Ben, c'est parce qu'il y aurait sans doute des gens qui n'auraient pas la contenance de faire face à ça puis qui se suicideraient. Ben non, mais c'est pour ça que je dis, socialement, ça prend du monde qui vont bien parce que pendant qu'on vit l'initiation solaire, moi j'en sors, j'en suis sortie, mais cette période-là, là, c'est intense et souffrant. Fait que si tout le monde avait cette perception-là en même temps, rendez-vous compte du désastre que ça ferait. Non, c'est ça. Il faut que ça se fasse à un rythme assez en équilibre pour pas créer de psychose sociale. C'est toujours l'idée de pas créer. C'est une loi universelle C'est de pas ça. créer Mais pendant de. ce temps-là, nos dirigeants, depuis environ 2 ans, cherchent à créer et entretenir une psychose sociale liée à la peur d'un virus. Oui, et c'est pour ça qu'ils vont crever. Ils ont défié une loi qui ne se défie pas. Bye bye! Moi, je suis tellement content. Je dis ça, j'ai l'impression de sortir de l'affaire. C'est complètement dans le vide, je suis désolée. Bien, crever, c'est un petit peu loin, là. Moi, ce que je dirais, c'est que tôt ou tard, ils vont à répondre de leurs actes, puis il y aura probablement des procès internationaux. D'ailleurs, Rainer Fulmich, là, C'est intéressant. il était question qu'en février, là, que ça allait commencer, mais ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de lui. L'annoncer, là, non, c'est le 4-5 février, ça va être sorti. Le 4 et 5 février, ça décolle. Mais ce que les gens n'ont peut-être pas saisi, parce que je l'écoute beaucoup, je le suis, le monsieur, l'avocat, Oui. là, il a décidé que la Cour internationale va être indépendante, parce que c'est ça, on teste le système de justice pour découvrir que ça ne marche pas en Allemagne, là. Donc, le système de justice est trop corrompu. Pendant ça, l'Allemagne est pas mal plus corrompue que le Canada. Québec peut-être égal, mais le Canada, c'est un peu différent. Mais ceci dit, comme ils ont réalisé ça, là, ils créent un tribunal international avec des avocats et des juges indépendants. Autrement dit, ils ne reprennent pas les juges que l'Allemagne a nommés en Cour suprême, ou, tu sais, je ne sais pas comment ça marche en Allemagne, là, mais ils prennent des juges qui sont indépendants. Mais c'est des juges et des avocats indépendants. Et c'est cette cour internationale. Donc, c'est comme créer ton propre monde légal en parallèle à ces trous de cul. Quand je dis que le monde nouveau est démarré, ça donne un exemple, ça. Genre aussi, GoFundMe, je ne sais pas si les gens ont compris que le GoFundMe, dans la levée de fonds pour les camionneurs, il y a eu des tentatives de corruption, de bloquer les fonds. Oui. Ça n'a pas marché. Mais ça a fait voir où ce qui était le monstre, parce que GoFundMe, c'est une question de temps pour qu'il bloque des choses. Ben oui, mais Alors, là, ça marchait trop. Certains disaient que ça marchait trop bien. Il était rendu au-dessus de 5 millions, là. ils sont à 8,7 millions Bon, ben c'est présent. ça Et GoFundMe augmentait quasiment d'un a débloqué. million par jour dans les derniers jours, là. Ouais, mais GoFundMe a été débloqué en 3 heures. Hein? Il n'a pas pu bloquer plus que 3 heures. C'est un avocat qui s'en est mêlé. OK. Mais ce que ça a mis en parallèle, en évidence, c'est que là, il faut créer notre propre organisation de levée de fonds. La prochaine étape, Trump arrive avec un réseau social Truth Social fin mars ou plus tard. Il parle de fin février, mais ça, il est toujours en retard, là, Trump fait. Fait que Truth Social va remplacer quoi, tu penses? Face de cul. Facebook. Bye Facebook, pour ça, je dis que ça va faire faillite. Donc, il y a un monde parallèle qui se crée. Oui, exactement. Alors, le nouveau monde est en place, c'est déjà là. Pas rien que dans les finances, le C'est-à-dire nouveau. qu'on observe la genèse de ce nouveau monde-là à travers ces éléments, mais il y a aussi Bernard de Montréal qui parlait dans la genèse du réel que éventuellement il allait avoir la régence planétaire. Ouais, on n'est pas encore rendu là. Tu parles-tu de la gérance planétaire occulte ou du nouveau monde qui essaie de nous fourrer, là? De quelle gérance planétaire Ah, on je parle? le parlais dans son sens noble, c'est-à-dire la gérance occulte. Puis oui, en effet, on n'est pas encore rendu là. Mais là, on nous vend, là. 2050, 2060, il me semble que c'est pas avant 2050, son histoire-là. Oui, c'est ça, exactement. Mais je veux dire, tranquillement, on se dirige vers ça. Mais ça se peut que Prévu, par exemple. Ça vient de me dire, c'est un petit peu plus vite qu'il y a 2050. OK. Je sais juste vous dire ce que ça m'a dit. OK. Mais sinon, il y avait Richard Glenn qui parlait pour fin février 2023 d'un rendez-vous spécial. Peux-tu passer au sujet suivant? Je ne suis pas OK. capable de parler de M. Glenn, ni de ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il vit, là, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Mets ton Mais en tout cas, pourquoi que je donnais de l'importance à ça, c'est qu'il avait fait un enregistrement avec Bernard de Montréal dans les années 80 et il se projetait avec lui dans le futur. C'était une mise en scène qui parlait du futur vers le passé. Puis là, Bernard de Montréal faisait allusion à plusieurs reprises, là, qu'en 2023, il y avait des changements importants qui avaient été mis en place, puis on était comme passé dans une nouvelle ère, là. Et pourquoi que je faisais allusion à ça, c'est que dans presque un an, jour pour jour, on va être rendu en février 2023. Ben, il y a Ménard aussi qui en a. Mais c'est parce que c'est des prévisions, c'est difficile. Vous savez, je suis sûre que ça va quelque chose dans le genre va arriver, mais les dates exactes, c'est. ça relève de la grande, de la grande voltige pour la précision. Parce que tout n'est pas inscrit, tout est je sais, en mouvance et puis adaptable. Hein. Fait que des fois, le délai est plus rapide. Comme tu sais, quand tu as dit, on a dit 2050 que Bernard parlait de la gérance, moi, ça me dit plutôt 2040 maintenant. Fait que tu sais, tout Oui, est tout plus peut bouger tout le temps. Je suis d'accord avec toi. On peut passer à vite. un autre Ménard sujet, là. avait dit 2023, tout change, tout pète. Ménard l'a dit aussi. Kem en avait parlé. Toi, tu dis que Glenn en a parlé avec Bernard. Oui. Oui, c'est ça que je dis, mais ça, moi, la médiumnité, c'est pour ça que je dis, OK, on lance des idées, mais il ne faut pas trop se croire puis laisser aller, parce que si j'ai tort, ça me dérange pas. Je ne suis pas orgueilleuse. Puis je sais quand je peux être manipulée. Puis mais en général, je sais quand je suis manipulée. Maintenant, ça n'en vient pas pire. Non, exactement. Non, mais c'est correct, on peut changer de sujet. Ben, comme tu dis, il n'y a pas grand-chose à parler. C'est vrai qu'on est là-dedans, moi aussi. Je suis là-dedans. Je n'ai pas grand-chose que je peux dire. Mais je peux vous dire une chose que j'ai trouvée intéressante dans le confinement. Ça a réglé ma faille principale, moi. Ah oui, c'est laquelle? Ben, je pense que j'en avais parlé. Je ne sais pas si j'en ai parlé publiquement. Si on le regarde individuellement, si ça vous intéresse, occultement. Moi, quand le confinement a commencé, là, ça s'est resserré de plus en plus, parce que je suis non vaccinée, fait que j'ai de moins en moins de droits comme toi, et bien d'autres. Oui. Moi, j'ai vécu le confinement enfant. Et c'est là que j'ai fait le lien avec mon enfance. Quand je dis l'enfance, là, je vous parle de l'âge de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dans cette période-là, là, où on est confiné à la maison par une mère qui souffre de maladie mentale et un père absent. Donc, notre père, bon, réimporte, la mère ne nous laissait pas sortir. Et le confinement au Québec m'a ramené là-dedans. Et ça m'a permis aussi de voir qu'à 8 ans, comme j'ai fait un suicide d'enfant, j'ai arrêté de manger, moi, à 8 ans, je voulais mourir. Je voulais quitter cette planète. Ça m'a refait vivre cet état-là, cette faille principale. C'est là que j'ai compris où toute ma. Moi, je peux être très avoir beaucoup de colère, mais j'aurais pu tomber dans la rage et le. J'aurais pu être une tueur à gages en passant, là. Et là, j'ai vu que ça s'était libéré et nettoyé grâce à ces 2 ans qu'on vient de passer, imagine. Merci. Ça vient de régler ma faille principale. Et depuis ce temps-là, je suis vraiment bien. Bien, tant mieux. C'est sûr que le confinement peut refaire vivre des traumatismes qui peuvent être liés à un état de séquestration qui a été vécu dans le passé. C'est pas ça que je veux dire. Je crois que chaque personne qui a vécu ces 2 ans-là intensément, peu que ce soit de perdre notre entreprise, ça peut être n'importe quoi qui se passe, elle a un lien pour moi, c'est ça que je veux dire. Moi, je l'ai vécu comme ça parce que c'est ça que j'avais à régler. Oui. Et pour toi, c'est autre chose. Pour Berthold, je ne sais pas si Berthold a vécu quelque chose, mais chacun de nous, si on est là-dedans, c'est qu'on a quelque chose à corriger ou à intégrer. C'est ça, je veux dire. Sinon, je serais peut-être. Je me serais retrouvée en Floride en train de faire le party, puis j'y avais à la retraite, tu sais. Je ne suis pas ici par hasard dans ce confinement, puis cette ostracisation. Là. Il y a quelque chose qui, individuellement, pour moi, je dois intégrer ou comprendre de l'expérience. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, l'intégration de l'énergie. Donc, ils te font vivre quelque chose, puis si tu comprends pas ce que tu vis, ça tourne en rond longtemps, puis à un moment donné, tu poses « Hey, qu'est-ce que vous me faites vivre? » Puis là, ça te répond, puis ça t'explique ta vie, puis ça te permet de sortir de ce pattern-là. Tu peux pas apprendre les lois de l'astral par le monde de l'astral. C'est ton contact qui va t'apprendre les lois de l'astral. Tu comprends tout ce que je veux Ben oui, dire? parce que ça prend un recul de l'astral pour Ben, ça pouvoir le prend une voir. conscience plus grande. L'astral m'instruira pas de ses propres lois, c'est pas dans son intérêt. Par contre, mon contact qui devient de plus en plus connecté à ma source, il est capable de me l'expliquer ce que je vis, lui. Exactement. Expliquer. Fait que je trouve ça super le fun, ça m'a libéré. Là, j'ai compris. J'ai dit, OK, je comprends ce que tu me fais vivre, je l'ai accepté. Puis j'ai beaucoup dormi et pleuré dans les derniers 3 mois. Moi, je pleure à rien, remarquez, là, c'est pas excitez-vous pas. Je ris à rien, mais je pleure à rien aussi. Ça m'a ventilé l'état complètement. Je suis vraiment rarement eu autant de tranquillité dans le corps que ce que j'ai présentement. Fait que pour moi, c'est une belle chose. Bien, c'est intéressant. Moi, c'est sûr que ça m'a amené à continuer à composer avec ma marginalité. Puis j'ai réalisé que des gens dans mon environnement, parce que c'est sûr que tu parlais de conscience supramentale, comme je le fais avec des gens depuis des années, fait en sorte que je vis une forme de marginalité. La plupart des gens ne s'intéressent pas à ça, ne vivent pas ça non plus. ils n'ont pas de vécu relatif à ça. Je dis pas que j'ai tout intégré, mais quand même, il y a des prises de conscience que j'ai faites. Puis, tu sais, je discutais avec ma mère, puis elle, dans le fond, parce que là, elle n'est pas injectée, là. Donc, elle est plutôt marginale, puis elle a 70 ans. Fait que la plupart de ses amis de son âge le sont. Fait que là, elle a une forme de marginalité. Puis là, j'ai expliqué, la marginalité que tu vis dans la crise présentement, moi, je vis ça depuis plusieurs années par rapport à mes intérêts marginaux pour le phénomène extraterrestre, le paranormal, puis ces choses-là. Mm-hmm. Ah. Donc... joint quelque part. Oui, c'est ça. On vit tous les deux une forme de marginalité dans la crise. Fait que moi, Oui. Fait que moi, je disais, en tant qu'enjeu, toi, à supporter ton individualité, le fait que tu étais différente des autres de ton environnement, parce que les femmes un peu plus avancées en âge, en tout cas, de ce qu'elle me dit, il y en a beaucoup qui sont injectées. Fait que là, elle est comme différente des autres. Fait que là, elle a à supporter seule individuellement, même si elle va pas dans le sens du troupeau. Fait que là, j'expliquais que c'est un enjeu d'individuation. C'est peut-être la première fois de sa vie qu'elle se retrouve à contre-courant. Dans le société. Moi, ce que j'ai l'impression que c'est le cas, là, autant à contre-courant. Là, puis moi, dans le fond, en termes d'objectif, c'est de suivre mon intuition fondamentale, ma source, en dépit de qu'est-ce qui se passe. Puis c'est sûr que progressivement, on se fait priver des droits. Bon, la SAQ, ensuite, je sais pas si tu l'as écouté, mais j'ai fait un enregistrement récemment où ce que je parlais quand j'ai été chez Walmart. Non, à la pharmacie. Celui-là encore, non? Bon, ben, en tout cas, je ne l'expliquerai pas en détail, mais je raconte ce que j'ai vécu. Je me suis présenté là à l'entrée, puis à la réception, ils demandaient le code QR. Fait que là, une des personnes, moi j'attendais dans le fil pour entrer comme les autres, elle dit, monsieur, présentez-moi votre code QR. J'ai dit, non, je ne l'ai pas. Bon, ben, elle dit, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, attendez une minute. J'ai vu sur Internet que je pouvais aller à la pharmacie. Fait que là, elle dit, je vais aller vérifier. Elle m'a fait attendre à une place, puis. Avec une commis, j'ai pu rentrer à la pharmacie. J'ai été escorté tout le long. Oui, oui. Comme si j'étais un pestiféré, quelqu'un de dangereux. Fait qu'ils m'ont fait attendre dans l'endroit pour acheter les photos, là. Département de photos. J'étais tout seul, là. J'ai attendu quelques minutes. Quelqu'un est venu me chercher de la pharmacie. J'ai été acheter ce que je voulais. Puis là, ensuite, la personne, elle me dit, tu vas pas payer avec la même caisse que les autres. Non, non. Faut que tu payes à la caisse de la pharmacie. Puis ensuite, une commis de pharmacie me reconduit à la sortie. J'ai dit, est-ce que je pourrais acheter des fruits et légumes? Elle dit non. Un service VIP. Oui, un service VIP parce que je suis non injecté. Mais sachant que l'accès à la pharmacie est quelque chose d'essentiel, ils sont obligés de me donner accès à la pharmacie. Fait que là, moi, je trouve ça stupide parce qu'ils vont mobiliser des employés avec un service VIP pour chaque non injecté qui vont se présenter au commerce, tu sais. Pas vraiment rentable, là, si tu regardes ça en tant que perspective d'affaires, d'affecter une personne pour chaque personne non injectée qui se présente dans le commerce. Puis ce qui, en tout cas, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est tellement hypocrite, ce commerce-là, c'est incroyable. Aux États-Unis, là, ils ont Walmart, là, il n'y a pas ces règles-là à passer en général, là. Non, non, mais ben, j'imagine que... Ben oui, mais bidon a passé la commande de demander des codes QR aussi, c'est les mêmes consignes qu'ici, mais ils n'écoutent pas aux États-Unis, ils écoutent juste au Canada, ça, pour ben Québec. Oui, parce qu'au Québec, on est plus à gauche, on est plus interventionniste du gouvernement maternaliste, à différence des États-Unis qui sont plus à droite. C'est ça. Ben Walmart, allez-y plus. Tout ce qui se trouve chez Walmart se trouve ailleurs, en passant. Alors, si vous y allez plus, ils vont avoir bien changé d'attitude. Hein? Non, c'est ça. Mais moi, pour être honnête avec toi, mon nom à je voulais le vivre. Sur Internet, j'entendais parler de tout ça dans les réseaux sociaux, qu'on était rendu à ce point-là au Québec, qu'il fallait se faire escorter, puis Colin en parlait, puis je dis, je vais y aller. J'avais du temps de libre, puis tu sais, j'étais dans un ordre où il y a un peu d'achalandage, fait que j'ai pas tant entendu que ça, là. Mais je voulais l'expérimenter, puis ça m'a confirmé qu'en 2022, on est rendu à ce stade-là au Québec, que les gens non injectés sont vraiment mis à part. Là. C'est vraiment une humiliation publique. Les autres me voient là, t'sais, avec quelqu'un qui m'accompagne comme si j'étais un criminel. Il faut vraiment t'attitre quelqu'un parce que c'est un danger potentiel. Fait que j'imagine que tout ça, à un moment donné, ça va être documenté, puis peut-être qu'il y aura des documentaires historiques qui vont dire jusqu'où on s'est rendu au Québec, un peu comme dans la Deuxième Guerre mondiale, où ce qu'on observe sous occupation allemande, jusqu'où ont été les gens là, en France là, qui donnaient leurs juifs. La police collaborait, tu sais, les Allemands, dans le fond, ils n'avaient pas nécessairement demandé ça, de ce que j'avais compris à Paris, mais c'est des Mais non, gens. on était assez ouf là, avec ici pour essayer d'appliquer ce que Hitler faisait en Allemagne, au Québec avec. Qui tu penses? Les chemises brunes, c'était qui ça? Les chemises brunes, là, c'était le Ouais. parti qui reste relié à Hitler. Ben oui, puis on avait ça ici. Au Québec, les amis, pas au Canada, ça là. Au Québec, gang. Ouais. Puis il y avait de l'antisémitisme aussi au Québec, tu sais, dans le passé. La même fin qu'ont eu. C'est ça que je te dis. C'est exactement ce que tu dis. On va avoir encore l'air d'une bande d'idiots qui ont essayé d'appliquer une Ben oui, mais quand que je vois le politique. Walmart avec cet excès de zèle-là, je trouve ça absurde, aberrant. Puis c'est pour ça que je voulais le vivre. J'ai dit, on est rendu à ce point-là. C'est fou. Ben C'est oui. débile. Oui, c'est. Faut pas que j'y pense trop dans ce sens-là parce que je me sens un peu ostracisée, genre. Parce que je suis comme dans la même situation que toi. Même mon conjoint vient de tomber. Lui, mon conjoint, il est rénovateur, les amis. Puis il n'a plus le droit d'aller acheter de matériaux, là. OK, Il n'est pas mais. vacciné. Il n'y a rien qu'une dose. Puis il était malade, puis qu'il n'en veut pas C'est d'autre. ça. Mais tu vérifieras parce que me semble que j'avais vu. C'était un Renault dépôt, par contre, c'était dans le coin du lac Saint-Jean, mais il y a peut-être d'autres endroits qui ont décidé de diminuer la surface pour que ça fasse moins de 1500 mètres carrés pour ne pas être obligé de demander le passeport, là. Moi, je pense que tant qu'il y a trop de gens qui sont capables de contourner les règles, ça ne changera pas. Fait que mieux tu frappes le mur, plus vite, mieux c'est. Vas-y. Faut frapper le mur aussi que ça arrête. Parce que là, les deuxièmes doses là, qui s'en viennent, là, quand ils vont rentrer dans les non-vax parce qu'ils n'ont pas le troisième dose, je ne sais pas quand. Oui. Ils l'ont pris encore. Ils n'ont pas mis de date hein, sur la Non, pas troisième encore, mais ça s'en vient. J'ai l'impression que dose. ça va être dans le mois de OK. Avec février. ça, les amis, ce sera pas long. Il faut qu'ils fassent le cash, là. On verra bien dans les doubles doses. Parce que moi, j'ai réalisé quelque chose d'intéressant dernièrement. Dans mon studio, les doubles dosés, la plupart le sont. On est peut-être 2, 3 sur 30, 40 qui n'est pas vacciné. Là. Puis là, ils commencent à avoir la chienne, les amis. Puis ça devient. Ça, c'est dangereux. Ils ont eu la chienne pour aller se faire vacciner. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui est rentré, qui est avoir la chienne de qu'on ait raison. Puis comme on a dit qu'elle allait tous crever avec ça, c'est pas Jojo. Alors là, Ben, il y c'est-à-dire a. que moi, je ne vois pas jusque-là. Je ne vois pas dire nécessairement que ça va amener la mort, là. Pas David, mais je parle, tu sais, pas les lanceurs d'alerte, mais ils circulent vraiment des affaires horribles des fois sur les vaccinés, puis que Oui, c'est ben, en tout cas, il y a dangereux. plusieurs personnes qui disent que ça diminue le système immunitaire, là. Ouais, puis il y a d'autres théories que la spike, le machin, je sais pas trop, il y a une La espèce de. protéine Spike, là, Là-dedans, qui agit comme une lame là, de rasoir, là, puis ce qui ferait en sorte que des qui athlètes qui ont activait ça, tombé. qui fait qu'il y a des myocardies, puis ces affaires-là, là, tu sais. C'est ça. Mais les gens, il y en a qui, c'est ça, je dis, il y en a qui ont pris conscience que là, ils savent pas ce qu'ils se sont fait injecter. Là. La troisième dose, ça lui tente un peu moins. Ben, c'est Fait ça. qu'imaginez que comme on est déjà pour plus que 10% de non-vaccinés, moi, je pense qu'au Québec, on est autour de 30%. Puis 70 vaccinés double dose. Je pense que là, on va passer de 70 vaccinés triple dose à 30, à 40 peut-être. Tu sais, je veux dire, 40% des 70 vont aller chercher le troisième dose, vont 30% qui vont venir se glisser dans notre groupe inadéquatement vaccinés. Ouais. Ça commence à faire beaucoup de monde qui sont plus de bonne humeur, là. Exactement. Puis si on regarde ce qui s'est passé avec Israël, c'est-à-dire quand est venu le temps d'avoir la troisième dose pour redoubler le passeport, je me trompe pas, il y avait au-dessus d'un million de personnes qui n'ont pas embarqué. Ben c'est ça que je dis, là. La troisième dose, ils n'auront pas Premièrement, ils n'ont pas eu les chiffres qui disent qu'ils ont eu, mais ça, on va faire semblant qu'on les croit. Mais il reste qu'il va y avoir. Parce qu'en réalité, ce qu'ils disent, eux autres, comme un film, c'est exactement ce que tu dis. On essaie sur un film, mais en réalité, s'il y a 60% des gens qui rentrent dans la prochaine étape avec les troisièmes doses qui ne vont pas y aller, là, si on tombe à 60% de gens qui sont ostracisés, la donne change, là. Excusez-nous, là, ça vient. C'est pour ça qu'ils paniquent puis qu'ils s'excitent à vouloir vacciner, puis essayer de passer une loi sur la vaccination obligatoire, puis qu'ils ne seront pas capables. Parce que justement, le niveau de gens de plus en plus qui tombent dans l'autre catégorie, ça monte. Fait qu'eux autres, ils sont en train de perdre le pouvoir. Puis la vaccination va tomber. Je vous le dis, ça va tomber. Ça ne peut pas fonctionner à long terme, ça. Ben, de toute façon, Les ça, vaccins sont ouais. faits, là, pour ceux qui se seront fait vacciner s'il y a lieu. Pas tout le monde. Mais il reste que ça. C'est sûr que les gens vont. C'est pas une. Même l'OMS en parle, qui sont corrompus à l'os. Ils disent les 12 ou 3 mois, ça passera pas. Ça va tomber. Les gens embarqueront plus à un moment donné. Écoute bien, à un moment donné, ça Ben va c'est faire ça, ça. c'est parce que là, ça devient un abonnement vaccinal, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle soit injectée plusieurs fois à l'année, un peu comme la personne qu'il faut qu'il se fasse prélever régulièrement de l'argent pour, dans le fond, que l'abonnement à la salle de gym soit actif. Exact. Mais à un moment donné, t'as plus le goût d'y aller à la gym en esti, puis tu dis coupez-moi le paiement, ça va faire, là. Fait que c'est pour ça que ça peut pas tenir la route, la passe sanitaire, puis tout ça, parce que ça part pas. Ça, là-dessus, c'est Alexis Cossette qui en parlait de cette analyse, puis je trouve que ça a du sens. Pour que ça fonctionne, le plan, pour que ça soit international, ça peut pas. Puis encore moins, Canada, ostracisé, puis les États-Unis, non, on est dépendant l'un de l'autre. Fait que c'était déjà un plan qui allait planter à partir du moment où les gens commençaient à dire non à ça. Puis là, ça se propage, le non à ça. Fait que c'est une question de temps avec qu'on parle plus de ça. C'est comme tu dis, ils vont tomber sur d'autres choses. Mais le Québec, moi, je dis fin avril, début mai, là, je pense plus qu'il y a grand-chose là-dessus sur les. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose de plus gros qu'on pense. Puis je pense que les camionneurs s'en viennent au Québec aussi. Ça, c'est mon avis. Ils le disent, en tout cas. Oui, ben il y en a qui disaient qu'après Ottawa, ça serait d'aller au Parlement à Québec, qui serait le prochain objectif là, pour libérer le Québec des mesures. Oui, parce qu'il y a eu alliance. Alliance entre les Canadiens, puis les Québécois, puis les Anglais, puis les Français. Oui. C'est pour ça que je te dis, Trudeau a fait une grosse erreur. Il a uni le Canada. Malgré lui, en tentant de diviser entre injecté puis non injecté. Donc, l'ironie du sort a fait ça. Mais j'aurais jamais pensé que les rednecks de l'Ouest canadien viendraient nous sauver quand même. J'exagère, les amis, parce que c'est pas des rednecks. Mais il y a quand même pas mal de rednecks dans l'Ouest canadien, puis au Québec, il y en a aussi, là. Mais c'est pas eux autres qui viennent ici, mais c'est surprenant, tu sais, on verra. Moi, je trouverais excitant que ces camionneurs débarquent. Oui, c'est ça. Moi, je dirais pas nécessairement que c'est des rednecks parce que les médias cherchent à dire, ah, c'est des habitants, c'est du monde qui sont pas éduqués, qui, dans le fond, sont pas vaccinés. Mais quand tu regardes ça, Chris, Alexis Cossette, Trudel, il y a un doctorat, puis Jonas Collin est en train de faire un doctorat. Oh, non, non, je dis pas qu'eux autres, quand je disais des rednecks, je parlais pas d'Alexis ni de Jonas, je parlais dans l'Ouest canadien. Moi, quand je suis allée, David, j'ai 60 ans, j'ai appris l'anglais à Calgary, j'avais 19 ans. Je venais de finir mon cégep, c'est entre l'entrée du cégep et l'université, j'ai pris un petit temps d'arrêt de 1 an. Je me suis fait traiter de tous les noms. Fucking from go home. J'ai vécu des affaires. Ils m'ont appris. J'ai volé un morceau de steak. Mon ami s'était fait pogner à voler dans les étagères. On avait volé de la bouffe. Puis moi, ils m'ont pas pogné, mais ils ont pogné mon ami. Fait qu'en nous fouillant, ils ont. Puis là, puis la loi de Calgary, pour du vol à l'étalage, nourriture, c'est. Ils te libèrent, puis ils te font revenir. Nous, ils nous ont gardés pendant 4 jours en prison pour un steak. Yes. Puis il me suis fait prendre des photos. Il a amené le gars, il m'a poigné le pouce, là, puis il me l'a tellement étampé dans son affaire que je pensais qu'il me l'avait cassé, le policier, en me traitant de fucking frog go home. Fait que c'est pas vrai que ça existait pas, là. Moi, c'est là que j'ai découvert. Je viens du lac Saint-Jean, la petite fille naïve qui sort du Québec, qui s'en va dans l'Ouest canadien, qui se fait traiter de tous les noms parce qu'elle apprend l'anglais. C'est pour ça que je suis devenue bilingue pour les envoyer chier. Puis après ça, je suis devenue blédingue pour mépriser les Anglais du Canada. Puis là, d'un coup, je me reviens bilingue, bien rare, je trouve ça intéressant. Je blague, je retrouve l'intérêt d'apprendre l'anglais. C'est mon expérience que je vous exprime. Mais c'est réel qu'il y avait un problème là-bas dans certaines perceptions du Canada, du Québec, parce que c'était nourri, c'est ça que je dis. Ils ont été 60 ans à essayer de diviser l'Est de l'Ouest. Ben oui. En nourrissant le côté. Là, ici, c'est. Oh, la langue française, elle est menacée, là, d'un coup, là. Ça va devenir. Probablement qu'ils vont nous parler de ça dans les prochaines semaines, là, là. Langue française, puis les musulmans tués à Québec, là, il y a quelques années, là. C'est bien important. Il se passe rien qu'une révolution au Canada, t'sais. Oui, ben c'est ça l'ironie du sort. Il y a quelques heures, c'était la cérémonie de commémoration Oui, j'ai dans la vu ville ça. de Québec, là où ce qu'il y avait eu le crime, là par rapport aux tireurs là, à la mosquée. Et il y avait un représentant de Trudeau, il y avait également François Legault, puis toute l'élite Monsieur politique. Legault, mot directement en présence. Bien, c'est ça, toute l'élite politique est là, puis pas un esti de commentaire sur qu'est-ce qui se passe à Ottawa. Silence radio, comme s'il se passait rien. Et ça, puis c'est une révolution qui se passe au Canada. Avez-vous idée d'à quel point on est ostracisé au Québec, là? Ouais. Ça vous donne ça une idée à quel point ils veulent notre vie, toute notre vie? Avez-vous déjà connu ça dans votre vie, une telle censure? Moi, j'ai 61 ans bientôt, j'ai jamais vu ça au Québec. J'avais jamais vu ça au Québec s'exprimer de même. Ils sont plus gênés, là. Ils se sont déjà gênés d'aplomb. Ça fait longtemps que moi, je sais qu'on est charriés, mais je pense, tu sais, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient discrets, mais là, ils ne sont plus du tout. Ben Fait que non. pour moi, c'est comme clair. Puis là, les gens vont dire, ben là, c'est parce qu'ils cherchent à créer le chaos. Là, crissez-moi un peu avec ça, je Ben pourrais c'était mourir. la une, hein, récemment du Journal de Montréal, que le chaos, dans le fond, c'est le gros titre là, par rapport à ce qu'est-ce qui se passe à Ottawa, là, la ville dans le chaos, quelque chose comme ça, là. Ben, on l'espère. Depuis quand qu'une grève, faut pas que ça dérange personne, Nesti? Ça fait 10 ans que je dis ça au Québec. Là, c'est rendu qu'à chaque fois qu'un mouvement syndical, quelqu'un veut avoir des, tu sais, je peux-tu faire la grève pour mes droits, mettons, d'augmenter mon salaire comme professeur? Ah non, non, vous dérangez le public. On n'a plus le droit de rien faire. Ça, à chaque fois, ils sont. Ah ben là, vous êtes dérangeant. Ben oui, c'est sûr que c'est dérangeant de grève. Oui, il faut que ça dérange, sinon ça bouge pas. Hein? Et les écoles, les profs, je pense, ça fait 3-4 ans qu'ils attendent une convention collective parce qu'ils n'ont plus le droit de rien faire, parce que là, c'est les services essentiels d'un coup. Hey, je sais pas, là, la gang des pères, réveillez-vous. Oui, ça dérange une grève, puis oui, Ottawa va être bloquée. Puis en passant, je pense que les gens d'Ottawa, en tout cas, ce que moi, j'en ai vu, ils sont pas tant mécontents de ça. Hein? La police d'Ottawa, ils ont-tu râlé contre les gens? J'ai rien entendu, moi, dans les réseaux sociaux. C'est sûr qu'à télé, vous n'entendrez rien. Mais non, ils sont comme de bonne humeur, eux autres. Ils sont contents que ça intervienne. Je suis sûre que derrière nos écrans, on est tous contents qu'ils sont là. Admettons-le, puis supportons-les. C'est ça que je veux dire. Au moins, ça va nous aider, nous, comme société, tu sais. C'est un geste qu'on peut poser. Moi, je les finance. J'ai envoyé de l'argent à cette gang-là. Puis je vais continuer à envoyer la semaine prochaine. Puis je vais y aller jeudi prochain, en passant. Je vais vous filmer ça. On À regarderez ça. Ottawa, tu feras à ce moment-là, ben, si ça te tente, une vidéo que tu pourras partager là, sur Facebook, là, Ben, je te l'enverrai. Ben, je sais pas comment OK. partager ça, là, mais je vais filmer. Je vais aller les voir jeudi prochain, ce mouvement-là. Je vais essayer d'aller parler avec une couple de camionneurs de ce coin-là. Parce que je les trouve intéressants, moi, dans leur démarche. J'aime ça. Ben, J'aime il y a ça eu voir. Colin, Jonas Colin, que les paroles ont suivi les babines, dans le sens que des dernières heures, il a été à Ottawa, puis il a été filmé en direct là, les manifestations qui se passent présentement. Ben, il y a Colin qui est allé, il y a Dan Tiger. Pilon aussi, Dan Pilon est qui là. était là, qui se filmait en Il y direct, puis. a Tiger, là, le Unity, George qui s'appelle, c'est un lanceur d'alerte syrien québécois. Ah, OK. Dans la force de l'unité, c'est un nouveau parti politique qui essaie de créer. Il est là, lui, depuis le début, puis même avant que ça commence, il est arrivé 2 jours avant pour voir comment ça s'installe tranquillement, qui est encore là présentement. Ça, c'est des images en temps réel qu'on peut voir. Samuel Grenier aussi qui a organisé tout un. Il a essayé d'avoir des images de tout le monde. Lui, il est comme devenu un distributeur, là. Il est équipé pour projeter sur 10 écrans qu'il expliquait, là. Oui, Mais on c'est ça, j'étais l'écouter un peu, Samuel Grenier. Ouais. fait 12 heures hier là, en live, Ah oui, 12 c'est heures. incroyable, là, il arrêtait pas. Fait que là, moi, des fois, j'allais voir aussi sur Facebook Dan Pilon. Fait que là, je faisais le yo-yo un peu entre les deux, là. Allez voir les gens qui sont en France. Je ne sais pas si vous avez accès à ces gens-là, mais Ben c'est oui, c'est des. sur Facebook. Oui. Les Français ils ont juste à aller se connecter sur le compte de Samuel Grenier, blogueur, ou Dan Pilon, Dan Pilon, chroniqueur, libre-penseur, libre journaliste. penseur. Ouais. Colin, je ne veux pas qu'on fait la promotion, mais je pense que c'est Ben important oui, que. mais moi je me gêne pas pour le faire, mon nom, dans le fond, parce que je pense que à ce statut, c'est essentiel que les gens aient accès à plusieurs sources d'informations, surtout que les médias de masse, dans le fond, tu sais. Il présente une vision partielle des choses. Fait que pour moi, c'est totalement justifié que les gens aient accès à d'autres choses aussi, là. Je ne vais pas te reprendre, mais si c'était au moins partiel comme information, mais là, c'est plus rendu partiel, c'est carrément de la désinformation. Ils disent n'importe quoi. Mais c'est pas ce qui se passe. Ben, c'est-à-dire, il faut faire attention. Moi, je dis partiel parce que hier, ils ont quand même fait la couverture à TVA. Je l'ai écouté avec ma compagne à 18 h, qui ont présenté les lieux avec des manifestants. Fait qu'on voyait partiellement qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'en effet, au niveau du contenu, ils vont dire, ah, des anti-vax. Puis, tu sais, ils vont discréditer les gens, puis essayer de. Eux autres qui ont montré le gars qui disait Go fuck all, we don't want to talk to you because you're fucking nothing. Oui. Ouais, mais c'est ça, je te dis. C'est. Premièrement, il est en crise, le bonhomme, puis il parlait tout croche, mais ils l'ont pogné lui. Ils n'ont pas essayé d'attraper quelqu'un qui est plus modéré ou plus contrôlé, un petit Ben peu. non, c'est Non, non, ça. non, il faut toujours qu'il pogne le zouf de la place, là. Mais Fait que leur présence, c'est toujours pour trouver comment te piéger. Ce qui fait que vous n'avez pas. C'est pas de l'information c'est pour pas moi. représentatif de ce qui se passe, c'est sûr. Ça, c'est clair. C'est peut-être moins de 1% des gens qui vont être agressifs, mais s'il y en a moindrement un, ils vont le présenter pour nous donner l'impression qu'ils sont tous de même. C'est ça. Puis moi, mettons que j'aurais été sur le plancher puis qu'il soit venu me dire est-ce que vous voulez parler, moi j'aurais dit non, merci, je ne veux pas vous parler. J'aurais juste dit ça, je ne veux pas vous parler, vous informez pas le peuple. Excusez-moi. Bye. Mais là, penses-tu qu'il aurait passé ça? Pas pantoute. Je suis pas assez intéressante pour le show, là. Mais c'est 99,9% des gens qui auraient répondu ce que moi je réponds probablement, puis ils ont pogné le 0,1%. C'est exactement comme le COVID, hein. Il n'y a pas tant de problèmes. Ils nous mettent un cas, puis ils nous mettent ça pendant 2 semaines. Ben, Fait que comme c'est si un peu. c'était la fin du monde, puis ils vont mettre l'emphase là-dessus. Donc, Puis ils informent pas. c'est ça. Puis le gars qui se fâche, c'est peut-être aussi une mise en scène. C'est-à-dire que, dans le Un fond, peu. il demande à l'un de leurs amis de se faire semblant d'être un manifestant agressif pour ensuite justifier le fait qu'ils vont dire, ah, c'est toute une gang d'agressifs. C'est possible, parce que si personne veut lui répondre, il faut bien qu'il fasse le show. T'sais. Moi, je suis pas mal sûre que. Parce que ça avait été dit, ça, par les camionneurs. Ils ont fait un point de presse, les camionneurs, qui ne. Pourquoi vous ne les voyez pas à la télévision, les amis, là? C'est qu'ils refusent de parler aux masses médias. C'est un point de presse qu'ils ont fait. Nous ne parlerons plus aux médias. Terminé. Fait que les gens qui les suivent, ils ont la même conseil en passant. Les gens suivent ce qu'ils disent, là. Faut, soyez pas. C'est très intéressant, là. Les camionneurs. Ils ont vraiment, ils passent le message puis ils sont entendus, mais pas à merdia aux gens. Ben c'est ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que c'est ça, les camionneurs peuvent communiquer directement avec les gens sans l'entremise parasitaire des médias. Exact. Puis ils sont pas obligés. Tu sais, YouTube boycotte bien des choses, comme tu l'as dit si bien, mais il y a Rumble, il y a Odyssey. Ils ont d'autres plateformes pour aller se Si vous tapez là, sur Internet, vous pouvez même déjà voir des choses avec des drones qui est déjà plus proche de la réalité que ce que TV Merdia vous dit. Oui, exactement. L'étendue de la foule, d'ailleurs, j'ai vu sur Facebook aujourd'hui des prises de vue faites par drones de ronde des rues avoisinantes, le Parlement du Canada. Puis on voyait qu'il y avait plein de monde, puis les camions aussi qui étaient là, stationnés. Puis moi, j'ai entendu, là, la dernière chose avant qu'on va se laisser bientôt, parce qu'il est Oui. déjà 20 h bientôt, David, mais il y a les camionneurs ont même dit hier, Patkin, là, qui est celui qui a parti le bal dans l'Ouest, que les camions de l'Ouest sont même pas encore dans Ottawa. Ah ouais. Ils ont plaqué. Non, non, c'est parce qu'il n'y a pas de place, ils ne peuvent pas rentrer. Il n'y a plus de place, le monde, on veut envahir la place. Puis ils sont contents, hein, ils ont dit pas de problème. Les gens vont sortir, à un moment donné, ils vont devoir aller travailler, fait que nous, on va rentrer après. Ben prendons la relève, c'est ça. S'il y en a qui partent, ils prendront à Donc, la relève pour occuper ils les sont lieux. contents. Ils sont très contents du mouvement populaire. C'est ça que je dis. Ils sont brillants. Je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Là, parce qu'ils le disent, on n'est pas rentré encore de l'Ouest canadien. On est stationné en dehors. On attend pour que les gens se retirent. Parce qu'il faut que les gens retournent à la maison. Ça doit être un méchant party, ces autoroutes, dans ce coin-là, aujourd'hui. Parce que les gens doivent se retirer. La plupart travaillent lundi. Là. Les camionneurs ont dit, on va rentrer plus tard. Puis je pense que comme stratégie de bloquer les frontières interprovinciales aussi, il n'y a pas juste États-Unis, Canada qui vont bloquer, là. Ben oui, ça pourrait être intéressant s'ils bloquent la frontière avec le Québec puis l'Ontario. Ils bloquent toutes les frontières interprovinciales, David. Québec-Ontario, Québec-Brunswick, je sais pas trop, il y en a plein, là. Parce qu'il faut. C'est vraiment un siège, hein. Il faut comprendre l'idée du siège. Bon. Oui. Je pense pas mal tous les amis, je vous aime bien, mais là, on va devoir aller aux toilettes. Oui, après, en fait, le plein d'informations, il faut faire le vide à un moment donné. Et on va conclure aujourd'hui, dans le fond, en rappelant aux gens qui aimeraient discuter avec toi plus amplement, que tu donnes des consultations en coaching d'individuation. Et Ah, bien dit, j'aime ça, merci. C'est mieux que ce que je pourrais dire. En même temps, je précise quelque chose, les amis. Je suis devenue très sélective. J'ai accepté des gens, d'accompagner des gens. J'ai compris des choses cette année là-dedans. Il y a des gens que je peux vraiment pas accompagner. Je suis vraiment un accompagnateur. Je suis pas quelqu'un qui coach le souffre mental. Je suis quelqu'un qui accompagne des gens en initiation solaire. C'est ça que j'ai réalisé. Et c'est très, très intéressant, mais je peux pas travailler avec tout le monde. Fait qu'en tout cas, si jamais vous me contactez, on va se parler un peu avant parce que je dois vérifier si je peux vous accompagner. Puis c'est pas moi qui décide. Je pose la question, ça dit oui ou ça dit non. Je me fie à ça maintenant parce que quand je m'écoute moi, je prends tout le monde. Je suis une personne très gentille de façon naturelle. Puis je me mets dans la merde après. Fait que je vais écouter mon contact, c'est ça que je veux dire. Oui, puis c'est intelligent que ça soit ainsi, parce que dans le fond, vibratoirement, tout est marqué. Puis dans le fond, il y a des gens qui ont allé plus loin dans l'intégration de la conscience présentement. Il y en a d'autres pas, puis c'est correct. T'sais, chacun vit à son rythme. Puis je suis bien d'accord avec toi. Puis tu sais, c'est intelligent que ce soit ainsi qu'il y a une sélectivité vibratoire qui s'opère. Oui, puis c'est vibratoire, c'est bien que tu le dises comme ça, parce que je ne suis pas capable moi-même de l'évaluer. J'ai dit oui à des gens, puis c'est là que j'ai vérifié, tu sais, par en dedans le contact, puis c'est là, faut que je l'écoute, parce que moi, je suis une personne, mon ego, là, il est pas, l'ego n'est pas à la mesure de mon esprit, je ne sais pas m'expliquer ça, mais c'est réellement ça. Fait que j'ai un ego très gentil, un peu tatal, puis qui veut donc être fin de tout le monde, puis qui voudrait que tout le monde puisse être sauvé de la planète. Heureusement, c'est pas possible. J'étais un cancer ascendant cancer en programmation, moi. Fait que c'est un gros morceau de pas couver les gens. Je peux pas couver, c'est ça que je veux dire. Ça m'a brûlé, ça. Encore une affaire de brûler. Oui, Mais reste pour exactement. moi. Ça Et continue à arrêter ça, alors. oui, c'est ça. Puis ce que les gens comprennent, c'est qu'une sélectivité vibratoire, c'est pas une sélectivité d'ego avec orgueil, dans le sens que c'est pas du snobisme que tu vas faire. Non, puis c'est pas non plus pour dire que t'es pas évolué, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai une fonction, puis j'ai ma fonction, je la connais, je veux pas en parler à personne. J'ai ma fonction, je l'ai clairement. Je sais qui je peux aider maintenant, puis pas. Puis c'est pas plus que ça. Il y a des gens qui peuvent être aidés autrement, puis ou accompagnés. C'est même pas de l'aide en passant, c'est de l'accompagnement. C'est bien différent. Moi, j'agis, je deviens intéressante quand vous êtes en crise. Ça prend une crise. Fait que si les gens sont pas en crise, appelez-moi pas. Ben oui, ben c'est ça. C'est intéressant que tu fasses le recadrage parce que vouloir aider, c'est spirituel. Donc, puis derrière l'idée d'aider, ben ça peut être de celle de sauver, jouer au sauveur, etc. Tandis que quand tu accompagnes quelqu'un, ben tu te mets pas dans le rôle de jouer au sauveur, là, dans le sens d'infantiliser l'autre ou de lui dire quoi faire, là. Non, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. C'est comme si je deviens un compagnon psychique pour l'aider à passer à travers ce qui est testé dans l'initiation solaire. J'ai la vibration assez forte pour pouvoir l'aider ou aider les. J'ai passé à travers une initiation solaire qui achève, là. Ça a l'air d'être terminé, c'est ce que je perçois. Mais. Mais il faut faire attention avec ça, parce que j'avais déjà discuté avec un conférencier qui me disait qu'il était détestable, il n'était plus testable. Mais, Tant que tu es vivant, tu es testable. ben, en C'est fait, différent. ce que je voulais en venir, c'est que même Bernard de Montréal, qui a après au-dessus de 30 ans d'intégration de la conscience supramentale, vivait des situations dans sa vie qui engendraient des chocs. Oui, mais c'est ça que je te dis. Tu es testé tout. Quand tu n'es plus testé, tu meurs. C'est simple. On va se mettre ça bien clair. Quand tu n'as plus de test, c'est que tu n'as plus rien à régler, que tu n'as plus d'affaires ici. Bye-bye! Non, tu es testé. Moi, je suis testée, mais je suis plus en initiation solaire. Je suis plus en crise. C'est pas pareil. Mon initiation solaire est terminée, mais je suis testée pareil. Mais quand le test arrive, un, je sais que j'ai un test. Deux, je pose une question. Trois, j'ai une réponse, puis je sais comment dealer avec. C'est de même une fois que c'est le gros du travail est fait. Mais c'est un gros travail de déboisement, l'initiation solaire. Vous voyez une forêt, là, que vous voyez une forêt vierge. Puis l'initiation solaire, là, c'est quand tu pognes la chensa puis tu rases le bois. C'est ça, une initiation solaire. Puis c'est là que je suis intéressante comme fonction. Mais une fois que ça, c'est fait, personne n'a besoin d'accompagnement. Le petit désherbage chez toi, puis ton contact, ça se fait avec. Tu n'as plus besoin d'aide. Tu es en contact avec ta source assez clairement. Mais en initiation. Je m'arrête là, je ne veux pas parler Non, pendant des. non, on a assez élaboré aujourd'hui, après au-dessus de 2 heures de conversation. Faire couper un bout, mon chéri. Non, non, il y a pas de souci. Fait qu'écoute, dans le fond, bon, je rappelle aux gens que tu es également Parfait. quelqu'un qui donne des cours de yoga et de pilates thérapeutique version Mona. Oui, c'est ça, version Mona, mode moderne. Oui, c'est ça, et non pas la version québéco, il y a au-dessus de 1 000 ans. Par rapport au yoga. Sinon, ben moi, je rappelle aux gens que si vous avez aimé la capsule aujourd'hui, ben j'en ai fait plusieurs avec Mona. Il y en a, je ne sais pas combien, là, mais ça fait au moins 2 ans là, qu'on en fait, là, peut-être à tous les 3 mois à peu près, là. Donc, Ah oui, je suis contente de revenir à chaque fois. Merci d'inviter David. ça fait J'espère que plaisir. vous n'en manquez pas trop, les amis. Moi, j'ai bien du fun, en tout cas. Je Ouais, trouve ben ça moi aussi, sinon je ne t'aurais pas réinvité, là, naturellement. intéressant. Et je pense que c'est réciproque, donc c'est sûr que c'est intéressant parce que les gens, si vous écoutez les anciennes capsules avec Mona, bien, vous allez pouvoir la continuité dans le discours. Puis aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'on se parlait avant la crise, là on se parle pendant, puis j'espère qu'on aura le plaisir de se parler après. Aucun problème. Parfait. Donc, en terminant, je rappelle aux gens qui ont apprécié la capsule, s'il y en a qui veulent m'apporter un soutien financier en lien avec mes activités de diffusion web. Donc, vous pouvez le faire. Vous allez avoir mes coordonnées en bas. Puis, pour ce qui est des gens qui aimeraient faire du yoga ou du pilates accompagné de Mona, que ce soit en présentiel, en personne ou via le web, dans le fond, la possibilité de faire des activités en ligne, vous allez pouvoir aussi entrer en contact avec elle par rapport à ça. Oui, toujours par courriel idéalement. Le mieux, éviter les textos. Puis je trouve ça assez fatigant de répondre à toutes sortes d'endroits. Par courriel, vous avez ça par mon site Internet, le contact. Je vous invite à prendre contact avec moi. Ça va me faire plaisir de vous parler. S'il y a des fois, qu'on fasse quoi que ce soit ensemble. Voilà. Donc, merci beaucoup et on garde contact justement et à bientôt. Prends soin de toi, David. Prenez soin de vous, les amis. Le plus important, c'est nous. Voilà. Au revoir.